Non, mais il me chambre sur la Bretagne et mais tout. Normal, il est temps de passer à Mickaël, oui, je crois. Sinon, je vais m'énerver. Bonsoir, Mickaël. Comment salut, ça va salut. Salut vous. Ça va en pleine forme. Oui. Écoute, très très bien. On a passé une belle semaine et je sais qu'on va passer une bonne soirée en vous écoutant. Par contre, tu vas passer un sale week-end. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà le temps qui t'attend à peu près là où ça tu vas. Marre. Voilà. Non, sérieux, il va faire de la merde ou quoi? Oh, ben, comment t'expliquer qu'il mais va faire tout le week-end. Immonde. Sérieux tout le week-end. Ouais. Bon, bah, il faut me trouver quelque chose alors. Écoute, il n'y a pas la plage, mais à Bruxelles, apparemment, ils annoncent du soleil. Donc, moi, je vais là-bas. La Belgique. Eh ouais, Mickaël, exactement. Ouais. Date Carrel en loose, comme ça. Vous avez vu le rencard qui vient de placer? Il se passe un truc avec Mika. Je lui proposais de venir, tout simplement. En ami, entre couilles, hein, t'inquiète pas. Hein. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, mais tu es la bienvenue, cela dit, Karima. Hein, pas de problème, on sera ravis. Hein. Écoute, je t'emmène, Karima. Y a bon, pas de problème. Très bien, on fait comme ça alors. Bon, ben la bonne soirée à vous tous en tout cas. Eh ben, merci, ça marche. Bon week-end à lundi. Et que le doc fasse attention sur le cheval, on sait y jamais. Y a pas de problème, oui. Parfait, on veut le revoir lundi en pleine forme. C'est ça, ouais. Allez, c'est parti, Mickaël de Limite, là on est jusqu'à 2h. Ciao, bonne soirée. Ciao. Arrête de me faire chier. Mickaël, Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Bonsoir. Bon, ben, j'espère que vous allez bien ce soir. Vous avez passé une bonne journée. Nous, on est au taquet. Voilà, pour la dernière de la semaine, entre 23h et 2h du mat. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, on sera de retour dès dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. Alors, moi, je me présente, c'est Mickaël, pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Tout simplement, M-I-K-L, comme le hashtag que vous pouvez mettre sur le Twitter si vous voulez venir discuter avec nous, si vous voulez venir délirer à l'antenne, eh bien vous êtes les bienvenus également, puisqu'il faut simplement prendre votre téléphone et appeler Kelly qui est au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Nouvelle photo d'ailleurs de Kelly, je vous en avais mis une il y a 2-3 jours là, où vous avez bien kiffé, là on voit beaucoup sa chevelure. Voilà, donc si vous voulez venir voir à quoi elle ressemble, eh bien elle est disponible sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Les deux numéros 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Comme par exemple Julien qui a déjà composé le numéro de téléphone. Bonsoir Julien, t'appelles pourquoi? Salut, ben moi j'appelle parce qu'il y a ma prof qui me kiffe. Oh fort, très bien. Eh bien écoute, nous allons en parler dans un instant, Julien ne bouge pas de là. Il y a Toff qui est là également avec son énorme cylindré. Ouais, ça te ferait rêver ou pas Julien de faire un tour sur sa grosse cylindrée? Moyen quand même. Je comprends pas parce qu'elle pète ma cylindrée. Hein. Bah, je comprends pas effectivement. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on va vous repasser évidemment la pire onde de Toff. T'as écouté hier par hasard Julien? J'ai pas fait gaffe, t'inquiète pas, c'est que t'as pas dû écouter à ce temps-là où tu dormais, parce que quand on a entendu cette honte-là, on la retient, cette honte, je peux vous le dire, moi. Donc on la rediffusera tout à l'heure, c'était juste énormissime. Et puis Polo, évidemment, le romantique de l'émission, qui est là aussi, avec son pipeau. Un petit coup de pipeau? Ah ouais, je fais un pipeau. Allez. Quel talent! Merci, quel merci, talent! Merci. Quel talent! Bon, et Julien, t'as envie d'écouter un son, toi en particulier, ce soir, là? Non, vas-y, fais-moi plaisir, fais-moi rêver. Écoute, j'ai Calvin Harris en stock là. Vas-y, ça marche. Voilà, Calvin Harris, I Need Your Love. J'ai un nouveau son aussi qu'on vous avait fait découvrir début de semaine là, Back Your Mat. Avec le saxo là. Là tu peux être aussi en mode bon lover. Ouais. Ah bah ouais, t'es là en voiture et tout, pépère. Sur le scooter. Oui, bah sur le scooter évidemment ça le fait moins. Avec ma propre. Ouais. Voilà. Bien avec ta prof, elle va kiffer. Ah ouais, avec ta prof, justement. Oui, avec évidemment, prof, évidemment. Avec ma prof. Bah justement, en parlant de ta prof, là, tu disais que t'étais en kiff sur elle. Ouais. Alors c'est qui? Raconte, à quoi elle ressemble, dis-nous. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, parce que je t'explique, là, devant moi, j'ai Polo et Toff. Alors en termes de rêve, c'est quand même très très limité, quoi. Très trop limité, même. Bon, du coup, t'es en kiff sur ta prof, toi? Vas-y, fais péter, explique. Mais c'est elle aussi qui a un kiff sur moi. Elle a mon numéro et ça part. Non. Peut-être partir un cacahuète. Mais attends, mais t'es rentré quand, là, pour avoir déjà toutes les infos, là? Hein? T'es rentré quand en cours là pour avoir toutes ces infos déjà? Non mais c'était l'année dernière ça. Ok d'accord. C'est ça. Et pendant les vacances vous êtes chauffé? Non parce que je me dis le mec putain, il est rentré depuis hier. Déjà il a le numéro, ils ont le numéro tous les deux et tout, c'est une tuerie. C'est bouillant. Mais t'es encore cours avec cette prof cette année? Et ouais, je la vois lundi là. Waouh. Ah fort. Bon elle ressemble à quoi là? Fais-nous rêver. 1m75, elle est brune, belle poitrine quoi. Franchement bien garnie quoi. Elle a bien garnie. Elle a du mal à écrire au tableau à cause de ses seins ou pas? Ouais c'est ça, elle écrit avec ses seins quoi. Quel âge elle a? C'est une cougar ou c'est une jeune? Elle est, je sais pas, 25-27. Ah ça va, toi t'as quel âge toi? 20 ans. Ah putain ça va. Moi j'ai 20 ans. Ouais sympathique, sympa. Moi aussi ça m'est arrivé un jour, j'avais une prof, j'avais 13 ans je crois, un truc comme ça. Elle était aussi super bien, c'est une petite blonde et tout, elle était super jeune. Tous les mecs étaient chauds bouillants, en plus elle était portugaise donc j'avais un avantage, tu vois, je pouvais parler avec elle, c'était facile. Mais ça va pas... Ça a pas marché. J'avais 13 ans quoi. C'était ça mon problème, c'était l'année. Pourtant j'y croyais, hein, vraiment, du haut de mes 13 ans, elle devait en avoir 25. Et je me suis dit, bon ça va, il y a que 12 ans de différence. Après tout, elle avait 12 ans, j'avais un an, il y avait peut-être moyen de gérer un truc, mais bon bah ça c'est vite, j'ai vite mis le truc au placard quoi. Ouais, c'est comme moi, j'y croyais avec ma prof de maths, mais. Bah ouais, je sais bien, ouais. Elle était prof de français la mienne, mais enfin bon. Si elle m'entend, elle s'appelait Maria. Évidemment, portugaise, forcément, enfin soit. Bon, alors Julien, donc toi, tu t'as déjà testé quelque chose ou pas? Enfin, si, déjà, si t'as son numéro et qu'elle a le tien, c'est qu'il se passe quelque chose déjà entre vous. Eh ben non, mais c'est parce que je t'ai délégué, tu vois, et en gros, ouais, elle m'a envoyé plein de petits textos, salut, ça va. Mais je parie que t'as été délégué exprès. Je parie que t'as été délégué exprès pour avoir le numéro. Tu rigoles, mais c'est vrai. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne clairement pas. Il y a un message de Romy, c'est Jérôme, pardon, sur Twitter qui dit il chope ce bâtard. Ah bah tu m'étonnes, évidemment qu'il chope là. Il est au taquet. Bah non, mais t'as raison. Bon, et donc du coup, quel est le problème? Enfin, c'est pas un problème, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Le problème, c'est que c'est pour elle en fait. Elle me dit qu'elle bloque parce qu'elle peut se faire virer quoi. Ah bah ouais, peur, bah, clairement, elle peut pas sortir avec. D'office. Mais le truc, c'est qu'elle a vraiment envie de moi. Elle n'ose pas. Je pense que déjà, pour vous rencontrer, il va falloir aller vraiment, vraiment loin de tous les endroits où vous connaissez déjà. Ah ouais, partez. Venez à la radio si vous voulez, nous on fera une sextape. Non mais en plus on a les caméras et tout dans le studio, franchement on est bien équipé, il y a la lumière, on peut mettre genre version barapute, on peut faire version Hawaï, c'est genre avec le soleil et tout qui tape à mort. On peut faire plein de trucs à nous à la radio, à nous si tu veux, on te rend service, nous on te le prête hein. Ouais, on vous fera une petite vidéo souvenir. Gars, je te mets même la musique là. Y a pas de soucis. T'es là machin avec ta meuf là et tout. Hop, tranquille. Pendant ça, elle donne cours de quoi? Oh putain, de commerce. De commerce, elle donnera des cours à Toff. Voilà, cours de commerce à Toff. Je lui prêterai ma verge pour faire des mesures. Ah oui, génial, quelle chance. Tu vois, t'es là et puis de temps en temps. Hop là, de temps en temps, une petite claque. Ah bah ouais. Ah bah avec plaisir, faut revenir. Attends, parce que Pose Caca a un truc à dire. On l'appelle Pose Caca par rapport à hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, on remettra son histoire dans quelques instants, rassurez-vous. Non, on va la remettre, il n'y a pas de problème. Dites-nous d'ailleurs si vous vous êtes déjà tapé vos profs, si vous êtes peut-être déjà éventuellement tombé in love de votre prof depuis la rentrée, vous l'avez vu ou vous l'avez vu, et ça y est, c'est l'amour fou. Polo, t'es déjà tombé en kiff sur une prof toi ou pas? Non, pas toujours... forcément te la taper, hein, mais genre la trouver mignonne. Si, il y en a une, mais elle c'était pas ma prof à moi, mais ouais, il y en avait une, ouais, bien sûr, ouais. Rien, ça n'y est passé. C'est physique. Physique, ouais. Et t'es off avec la prof de maths? Bah la prof de maths. C'est physique aussi quoi. Ouais, je me suis beaucoup masturbé, je me suis cassé le frein à cause d'elle, mais. Oh, quel... Non, vrai? Ah ouais, vrai, en fait c'était une période où en fait je me branlais, mais. Comme aujourd'hui quoi. Non, pire, genre 20. Encore pire. Genre 20 fois par jour et en fait. Mais 20 fois par jour. Et en plus cette prof, en fait, je la kiffais vraiment. Donc déjà, faut savoir que j'avais 6 heures de maths par semaine. Je croyais que j'allais dire j'avais 6 ans. Je me dis l'autre, il était vraiment pas bien. Quoi. J'avais 6 heures de maths par semaine. Et donc mon seul kiff, c'était d'être au deuxième rang, pas le premier parce qu'on est trop près, et pouvoir mater son cul. Et alors en plus, je sais pas si elle le faisait exprès et tout, parce que ça la mettait en valeur, mais elle mettait toujours des pantalons moulants, parce qu'elle avait pas trop de seins, mais elle avait un cul. Ah ouais. Et donc elle. Une folie quoi. Ah ouais. Bon, oh là là. Bon bah dites-nous les autres. Réussi en maths. Hein. Sans déconner. Oui bah la motivation quoi. C'est ça en fait au final pour faire réussir les élèves. Mettez des profs et bonnes et beaux au final. Ça va motiver tout le monde. Normalement, tu vois. Mais c'est ça, en histoire, ils nous avaient mis un beau gosse, j'en avais rien à foutre. Mais ça, effectivement, c'est ça. En fait, il faudrait revenir aux écoles pas mixtes, en fait. Ouais, c'est ça, des écoles de mecs avec que des profs femmes. Que des profs femmes, exactement. Et des écoles de filles avec que des mecs. Tout à fait. Et il y a Youngblood aussi sur Twitter qui dit j'ai jamais eu le prof bonas. Ah si, mais j'étais en 5e. Oui, bon, c'est évidemment un peu jeune. Brandon aussi qui dit fou la chance qu'il a. La seule fois où j'ai été délégué, c'était en 6e. Après, j'ai toujours fui ce poste. Ouais, mais là, il a une bonne raison de le faire. Il y a Mohamed aussi qui dit un prof kiffe, je laisse les études direct. Et alors Clara qui dit un prof qui me kiffe, c'est juste la flip. Attends, ça dépend du prof, hein, je te le dis. Hein. Et alors Jérôme qui dit Polo ne savait pas encore faire du pipeau pour la séduire. Mais oui, à mon avis, il devait y avoir ce problème-là, effectivement. Effectivement. Bon, ben Julien, tu restes avec nous. On va demander l'avis des autres. Ouais. Là, est-ce que vous vous êtes déjà tapé votre prof ou est-ce que vous avez déjà peut-être été tombé sur le charme, tombé amoureux de votre prof ou d'une prof? Venez nous en parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Tiens, Julien, est-ce que t'as déjà fait un malaise, toi, pour un truc à la con? C'est genre voir le sang ou des trucs comme ça. Un malaise? Ouais, c'est genre tomber dans les pommes parce que tu vois du sang ou un truc comme ça, non? Non, pas tellement. Non. Jamais? Non, je te demande ça parce qu'en fait, cet après-midi... Ah bon, bah écoute, cet après-midi, en fait, on parlait avec avec notre chef du piercing de teuf qu'il a sur la teub. Et donc, en fait, il était sur le cul, en fait, tout simplement parce qu'il croyait pas déjà à la base. Et en fait, il était sur le cul parce que teuf n'a rien senti alors que alors que notre chef, hein, donc est tombé... Je vais... Taire son nom, ça, oui. Ça commence par un U, par un L, pardon, et ça finit par UK. Et donc en fait, il est tombé dans les pommes. Voilà, tombé dans les pommes, en fait, juste pour un frottis, lui. Ouais, c'est ouf. Au même endroit. Alors venez nous raconter pourquoi est-ce que vous avez déjà fait des malaises justement là ce soir dans l'émission. Vous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Kelly qui est au standard qui galère déjà. Ça va? J'en peux plus! Non, là c'est galère. Il y a trop. Bah continuez là, fatiguez là. Vous arriverez à la draguer plus facilement. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, reste avec nous Julien. On a Arnaud également pour la colle qui est avec nous là. Salut Arnaud pour la colle. Salut Mickaël. Ça va? Salut. Bah ça va. Bon, allez hop, c'est parti pour la colle maintenant. La dernière PS3 qui est à gagner. Vas-y Arnaud, on t'écoute. Quelle est la colle ce soir? Alors, dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus, qui suis-je? Alors, dès que vous m'avez, vous voulez me partager, dès lors que je suis plus... Non, dès lors... Mais dès lors, je ne suis plus. Voilà. D'accord, ok, j'ai tout mélangé. Bon, si vous avez la bonne réponse, PlayStation 3 qui est à gagner. À vous de jouer maintenant, il suffit d'aller répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a la photo avec la PlayStation 3. À vous simplement d'aller commenter cette photo en mettant la réponse à la colle de ce soir. Je la répète. Oh bah Arnaud, répète-la plutôt. Alors. Vas-y. Dès que vous m'avez, vous voulez me partager. Mais dès lors, je ne suis plus, qui suis-je? Voilà, dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors, je ne suis plus, qui suis-je? Si un vous post avez... sur Facebook. De quoi? Un post sur Facebook. Un post sur Facebook, c'est ça? Non, du tout. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, hein, vous allez mettre le post, enfin le commentaire plutôt sur la photo de la PlayStation 3 sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis si vous êtes tiré au sort tout à l'heure avant 00h30, on clôturera le jeu à 00h30. Donc il vous reste un petit peu de temps quand même, 1h20 là, à vous de jouer maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Bon, et bah tu restes avec nous Arnaud. Il y a pas de tiens, t'as déjà eu des problèmes toi, genre tomber dans les pommes par rapport à la vue du sang ou par rapport à n'importe quoi d'autre? Non, mais le sang, de voir du sang, ça me dégoûte quand même. Ça dégoûte un peu quand même, hein. D'accord, ok. Bon, voilà. Écoute, on en parle en tout cas dans un instant. Allez-y, venez nous parler de votre prof, là, si vous êtes déjà tombé sous le charme de votre prof, éventuellement, là, comment ça s'est passé, comme Julien. Et puis, venez nous parler également, si comme notre boss, là, vous êtes peut-être aussi tombé dans les pommes pour des raisons idiotes, c'est genre la vue de trop de sang ou un petit frottis ou n'importe quoi. Voilà, venez nous en parler, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et alors, hier, je vous avais promis aussi qu'on en parlerait là, si vous avez des titres de films de cul bien drôles, envoyez-les sur Twitter, hein, vous mettez le hashtag Mickaël. J'ai déjà reçu pas mal de propositions là durant l'après-midi. On en parlera dans un instant, genre par exemple Alice au pays des pervers. Voilà. Donc si vous avez des films qui existent, ou alors si vous avez une imagination débordante et que vous avez des titres de films comme ça qui vous viennent à l'esprit, genre des films à modifier qui n'existent pas, mais peu importe, des titres de films qu'on peut transformer en films de boule, allez-y. Ou encore il y a aussi Anal Guédon qui était pas mal aussi. Il y a le bal des hardeuses, c'est en 2010. Ça, le bal des ardeuses, ou encore, je sais pas moi, Basic Sexual Instinct, qu'est-ce qu'il y a aussi, Bienvenue chez les Ch'tis de Coquine, qu'est-ce qu'il y a aussi, Blanche Fesse et les Sept Mains, etc., etc. Donc, hashtag et Mickaël, je compte sur vous. Et puis, au cœur d'une heure sans pub, maintenant, on se fait Calvin Harris, ça chauffe tout le monde? Ouais! Allez, c'est parti! Calvin Harris, maintenant sur Fun Radio, I Need Your Love, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h sur Fun. Je vais me barrer, moi déjà. C'est Fun Radio avec Calvin Harris à l'instant, c'était I Need Your Love. Dans un instant, je vous cale aussi un son que vous aimez bien. On me l'a demandé d'ailleurs plusieurs fois, là, on m'a demandé quel était le titre de la chanson avec le saxo, la Backermat. C'est du hollandais, hein. Le titre c'est, je vais le dire avec l'accent flamand pour bien comprendre, là, Vandaag. Voilà. On se le mettra tout à l'heure, on vous cale aussi Florida tout à l'heure avant minuit. Florida Pitbull avec Can't Believe It, c'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. Je vous remets aussi la call du jour dans quelques secondes là, pour choper votre PlayStation 3. Vous pouvez d'ailleurs répondre à la call du jour sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Allez-y, venez nombreux évidemment et prévenez vos potes hein, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h du mat sur Fun Radio. C'est Mikael, No Limit. Avec et puis on va. Caca. Et avec Pose Caca qui est avec nous d'ailleurs. Hein. Oh. Eh ben il est là. À votre santé. Il est là en pleine forme. Bon, retour avec Julien là, t'es là, Jules? Ouais, je suis là. Bon, parfait. Alors Julien qui nous avait appelé parce qu'il est en kiff sur sur sa prof depuis l'année dernière. Là, il a été exprès comment dire merde, comment on appelle ça délégué. Voilà, classe. C'est le mot que je cherchais. J'allais dire suceur parce que c'est un peu ça au final. Quand t'es délégué, ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, quand t'es délégué, c'est uniquement pour ça. Soit c'est pour rien foutre, soit c'est parce que Toff, il a déjà fait aussi comme ça un truc quand je l'ai connu à l'époque, il était encore on était encore au bahut. Ouais. Il a été délégué mais genre pour niquer tous les cours en fait. Moi j'avais réussi, j'avais trouvé le bon plan en fait. Écoute, hein, ça peut te servir Julien. J'étais délégué européen. Ouais, ouais, donc en fait, c'est ces gens, il y avait une espèce de programme à l'époque qui regroupait plusieurs écoles en Europe pour genre dire ce qu'il y avait de bien dans le programme scolaire, etc. Et donc du coup, il y a 182 jours dans l'année, il y en a 100 où j'ai pas été. Voilà, c'est ça, parce qu'il devait aller au truc. J'étais au Parlement. Au Parlement, c'est des trucs à la con, il était là à rien foutre, quel connard. Alors. Qu'est-ce que je kiffais les meufs qui servaient. Sans blague. Elles sont habillées super. Enfin ouais. Bref, enfin, bref oh là, arrête, ça va donner des idées bizarres. Bon, il y a Mickaël avec nous également là, quel beau prénom Mickaël. Ah ouais, merci. Putain, si j'avais un gosse, je l'appellerais comme ça, je pense. Mickaël Junior. Mickaël Junior. Le truc bien naze. Bon, alors toi t'appelles d'Orléans toi, 23 ouais, ans. Sois le bienvenu. Comment ça se passe à Orléans? Ouais bah t'as Mickaël, il fait beau et tout. Ouais bah profites-en parce que ça a pas duré hein. Oui, il va pleuvoir apparemment. Ah ouais, là ce week-end, comment vous expliquer que il risque de faire quand même relativement bien dégueulasse. À la limite, je crois que j'ai vu sauf dans le vraiment nord-nord, Belgique, tout ça, mais le reste, ça va être une horreur. Bah Orléans c'est une belle région avec la Loire et tout. Bah quand est-ce que tu nous invites, nous on passe hein Mickaël. Ouais y'a hein. Pas de soucis, c'est une très belle région, franchement. Bah, écoute, avec plaisir. Il y a le fils de Loire cette année, c'est une fois tous les deux ans, franchement c'est vraiment pas mal. Ah, il connaît bien sa ville, tu travailles l'office de tourisme? Non, je connais bien ma région. Ta région, bah ouais, bah écoute. Y a rien de mieux pour serrer les meufs hein. Ah bah clairement. Il y a pas mal des meufs en Orléans, franchement. Mais oui, on a été une fois avec Toff effectivement à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des jolies filles aussi. Je me souviens d'une petite blonde qui avait là-bas qui était fort sympathique. Ah oh, oui. Ouais, très sympathique. J'ai quelques souvenirs sur les bords de la Loire. C'est vrai. Je te raconte une blague à Toff. Écoute, vas-y toujours. Là, j'ai peur que ça tombe à plat, mais vas-y toujours. Bah, vas-y. C'est fait quoi un Shintok qui fait écraser sa route? Un quoi? Un Shintok. Je sais pas. Un Ninjone. Oh putain, tu vois, j'avais dit que ça tombe à plat. Bon, alors ça Mickaël. Vaut pas ma chaise pliante, je suis désolé. Ah non, ça vaut pas, enfin bon. Bon, Mickaël, tu voulais réagir toi par rapport à Julien, alors, et toi aussi t'es tombé sur une prof. Ouais, ouais, c'est ma prof, en fait. Cette année Non, il y a longtemps, en fait, quand j'avais 19 ans, tu vois, et j'étais dans une école spécialisée, donc je suis légèrement malade et tout, je suis handicapé et tout. D'accord. Et voilà, je suis tombé sur le charme d'une petite prof sympa, elle s'appelait Fabienne. Mm-hmm. Et voilà, elle avait un jouet de cucu. Bah c'est bien hein. Et jouet de cucu, une petite brune avec des lunettes. D'accord. Et j'étais à la fête de Noël et tout, en fait, en gros, je dansais avec elle et tout. Et là, sans faire exprès et tout, je descendais. Et mon ex-meilleur ami et tout, qui disait « Remonte, elle sera touchée son cul et tout !» Et tout, et je dis « Merde et tout, je me suis pas rendu compte et tout !» Ah, voilà. Il est en train de toucher ses fesses et tout. C'est... Putain, vas-y. T'as réussi à pêcher ou pas? Ah bah non, j'avais pas le droit à l'époque. J'avais pas ah loin. Putain, t'as vu Julien, pareil comme toi là, il a pas réussi non plus là. Ouais mais franchement, c'est un bon délire. Et après, avec des potes et tout qui m'ont balancé et tout, j'ai rencontré des grosses conneries et tout. Et apparemment, des potes, ils m'ont balancé et tout sur moi et tout. Voilà, ça bon, et du coup, résultat, bah, en fait, c'était que dans le fantasme quoi. Il s'est rien passé derrière. Voilà, merde. Oh là là. Ce qui serait bien, c'est d'avoir quelqu'un qui a réussi à pécho justement sa prof, ou une fille hein, qui a réussi à choper un prof, parce que ça arrive aussi, il faut pas me la faire à l'envers les filles. Hein. Parce que là on a du mal à voir des. Enfin on a pas de mal, mais je veux dire, il n'y a pas de filles qui appellent genre pour témoigner, mais il y en a hein, des filles qui sont déjà tapées des profs. Hein. Donc appelez-nous les filles, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Dans mon bahut, on en avait chopé une en boîte avec un prof à nous. Hein. Ah bah mais bien sûr qu'il y en a effectivement. Bon, Mickaël, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Bonjour à tout le monde à Orléans. Ok. Et puis à bientôt, Mickaël. Salut à toi. Okay. Et je peux avoir un Pipephone? Ouais, tu vas gérer ça. Je te repasse ce qui est au standard. Je peux faire une dédicace? Vas-y, il y a une seule personne. Hein, tu connais la règle, okay. Vas-y. J'ai une dédicace à toute ma famille. Très bien, eh ben écoute, on embrasse tout le monde, il n'y a pas de problème. Salut à toi Mickaël, à bientôt. Salut. Allez, reste Salut. Là Julien, bouge pas hein, Julien. Ouais, je bouge pas tout à l'heure, attends. Ah, pour être sûr, il y a Alain aussi qui va débarquer d'ici quelques instants. Et Arnaud là, pour la colle, toujours là? Bah ouais, toujours. Eh ben on va la répéter la colle là alors, hein, le temps que les gens s'inscrivent là pour choper peut-être la PS3. Je vous rappelle le principe, on va vous poser une colle là, dans un instant avec Arnaud, enfin voilà, on va vous la reposer. À vous tout simplement d'aller répondre si vous avez Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Vous répondez en cliquant sur la photo, vous laissez un commentaire et puis si vous êtes tiré au sort, c'est gagné. Alors on pense aussi à ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez aussi jouer évidemment en envoyant Mikaël par SMS au 64 900 ou tout simplement au 63 22 pour la Belgique. Bon, alors on t'écoute, dis-nous la colle, Arnaud. Alors, dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus, qui suis-je? Voilà, donc dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus, qui suis-je? C'est bien ça? Ouais. Parfait, à vous de jouer, vous balancez votre réponse maintenant sur le Facebook de l'émission, il y a la photo de la PlayStation 3, vous y allez, il n'y a pas de problème. Partagez aussi avec vos amis, hein, histoire de faire tourner. Donc vous mettez la réponse en commentaire et si vous êtes tiré au sort, c'est gagné. Pour ceux qui n'ont pas internet ou Facebook, vous pouvez aussi jouer en envoyant Mickaël par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Arnaud, on te récupère tout à l'heure, d'accord? Ok, ça marche. Parfait, ne bouge pas de là Arnaud, on va récupérer Julien comme promis. Alan également dans un instant, t'es là Alan? Ouais, je suis là. Bon, très bien. T'as écouté hier soir ou pas l'émission? Non, j'étais pas du tout. Ah, non. Bah t'as raté un bon moment puisque tu as raté pause caca. Voilà, c'est toi qui... Bah ouais, parce que hier soir on parlait des pirontes, tu vois. Donc c'est quoi ta pironte? Ouais, j'ai entendu tout à l'heure avec Doc. Enfin, voilà. Civil, en fait. Mais c'est quoi ta pironte à toi, Alan? Genre un truc, genre ta mère est venue te chercher au bahut, elle a gueulé, genre ta copine, ton père s'est foutu la honte, non, je sais pas. C'est passé en campagne, je me suis fait poursuivre par une chèvre. Oh la poursuite avec la chèvre, c'est quand même pas mal. Ouais. Ah, c'est honteux. Oh putain, t'aurais dû appeler hier, t'étais pas mal la poursuite avec la chèvre. Je me suis battu avec un hamster, t'imagines. Oh là. Bon, et écoute, bah justement, tu vas nous dire ce que tu en penses, puisque tu n'étais pas là hier, c'est parfait. Écoute bien, la pironde de Toff, c'était hier soir, ça dure 2 minutes, mais c'est un caviar, écoutez. Alors donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Voilà. Je voudrais bien savoir ce que tu veux dire. Ah bah. Et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas, Grâce? Ah non, pas du tout. D'accord. Non. Bon, et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que il n'y a pas de toilette. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol et qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les mouches. Exactement. Avec les mouches et tout là. Et donc donc finalement au bout d'un moment il fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon pute. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je chie dans mon fut et comme je voulais pas le dire machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh ouais. Je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fiche. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, là, t'as pas saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche elle m'a saoulé. Là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'es que t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le meilleur. Ah putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc, et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner, mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Voilà. Bon, t'as vu en termes de honte, Alan, il y a quand même du level là. Ouais, là, il y a du level quand même. Ah ouais. Non, bah, c'est clair à net, ouais. Bon, bah, du coup, on va. Du coup, vous savez pourquoi on l'appelle Pause caca. Voilà, dorénavant. Hein. Il y a Clem aussi sur le Twitter là qui dit putain de mouche, mais défonce-la, elle me tue les oreilles. C'est bon, là, on l'a tué. Et The Miss of 67 qui dit ben, welcome in Strasbourg, si ça vous dit, on vous invite. Et on paye l'apéro. Ah ah, bah si on nous prend par les sentiments, hein. Et alors Christopher qui dit grande émission, merci à vous. Je dis, j'ai dit à plein de gens dans mon bahut de vous écouter là de 23h à 2h du matin. Merci, c'est cool, ça fait plaisir Christopher, merci à toi. Et Lucie qui dit pause caca, mort de rire. Ah ouais, mais c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, on n'a pas d'autre choix. Bon Alan, tu restes avec nous, on va reparler avec toi dans un instant des profs là, tu restes là aussi. Hein. Okay. Parfait. Ouais. On aura Arnaud dans un instant en retour avec bah, la colle évidemment. Et puis Amandine qui est de retour. Amandine. Oui. Parfait. Ah. Amandine, the comeback évidemment de Lille, bien entendu, puisque bah, hier on t'a eu. Alors depuis lundi, en gros, si vous voulez, on essaye de joindre un mec, puisque Amandine nous avait appelé avec Virginie, parce qu'elle kiffait le même mec. Jusque-là, dis-moi si je me trompe, hein, parce que comme ça date de lundi, donc vous kiffiez le même mec et vous aviez proposé du coup de lui proposer un plan à trois. C'est bien ça ? C'est ça. On avait essayé de l'appeler, on était tombé sur la mère qui nous a dit qu'il dormait. On a dit, bah c'est pas grave, on va essayer demain. Enfin, le lendemain plutôt. Le lendemain, on a essayé, on est tombé sur le frère qui a dit qu'il dormait. Du coup, on a essayé hier soir. On est tombé sur personne parce qu'entre-temps, Virginie a changé d'avis. Elle a dit qu'on était des connards, que t'étais une pute. Hein ? Oui. Bah, dis-moi si je me trompe encore. Hein. Et donc, du coup, bah, on est toujours sans nouvelles de ce fameux Ludo. Si, moi je l'ai vu tout à l'heure. Ah, très bien, parce que j'ai demandé à des auditeurs, là, s'il y en a qui sont sur Lille, Valenciennes, bah, tout près de chez toi, là, Vesnel, c'est comme ça qu'on dit, ou Avenel ? Avenel, voilà, donc s'il y en a qui sont tout près d'Avenel, si bah, ils peuvent nous tenir au courant et nous appeler aussi au 01 42 48 5000, ou même 02 851 4x0, même si vous êtes sur Mons et tout, c'est pas très loin, hein. Mons, Maubeuge, Dour, etc. Vous nous dites et on vous tiendra au jus si on a besoin de vous, puisque tu vas nous expliquer dans un instant que tu as eu des nouvelles. Bon bah très bien, je viens de l'apprendre, tu restes là, on en parle juste après le son de Bakermat, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Allez, bouge pas Amandine. Allez, bah back your mat justement, tiens, c'est maintenant sur Fun Radio, c'est Van Dyke. I have a dream. Eh ben voilà un son que vous avez découvert sur Fun Radio, il y en a beaucoup qui demandent à quoi il ressemble l'orthographe, à quoi il ressemble plutôt. Alors back your mat, c'est B-A-K-E-R-M-A-T, et alors le titre c'est Van Dyke, alors évidemment c'est en flamand, c'est V-A-N-D-W-A-G. Voilà, comme ça vous savez comment ça s'écrit, si jamais vous voulez le choper. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Back Your Mat, donc son que vous avez découvert sur Fun Radio. Il y a Dorian aussi sur le Twitter qui dit on n'a pas encore eu une seule fois le marteau piqueur aujourd'hui. Oh bah t'inquiète pas là, il va arriver. En tout cas le marteau piqueur fonctionne très très bien. On va refaire la gueule à Toff encore un coup là. Ah c'est pas mal. Non c'est mieux hein. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on pourrait lui mettre un coup de pelle dans la gueule à pose caca? Un coup de pelle, ouais. Ah bah oui. Voilà, à pose qui caca? Ah oui c'est vrai. J'avais presque oublié, effectivement. Bon, il y a Let's Be Freaks aussi qui dit, j'ai beau la réentendre une seconde fois, le coup de la pause caca, là, je suis plié de rire. Et Youngblood qui dit, avec des potes, on écoute tout le temps. Ben merci, en tout cas, ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'il y a le jeu aussi ce soir, hein, qu'on fera avant 2h du matin. Enfin, on va pas le faire avant, mais en tout cas, on verra d'ici à 2h du matin quel est l'auditeur, quel est le tweetos le plus influent sur le compte de l'émission, donc sur le hashtag Mickaël. Et si vous êtes bah, le plus influent, c'est vous qui serez number one. Et on fera un topo tout à l'heure au niveau du top 5, voir un petit peu comment ça se passe. Donc le concept est très simple, il suffit simplement de mettre tous des messages avec le hashtag Mickaël, que vous parliez avec des potes, que vous parliez avec n'importe qui, vous mettez le hashtag Mickaël et plus il y a de tweets avec le hashtag Mickaël, plus vous avez de chances d'être top tweetos ce soir à 2h du mat. On terminera évidemment l'émission avec ça pour voir lequel a été le plus influent pendant l'émission. Je rappelle que pour l'instant c'est Let's Be Freaks qui a gagné hier et avant-hier. Va-t-elle terminer la semaine number one? On verra. Message aussi qui dit, vous êtes géniaux, un coup de lance-flamme et de bazooka sur la gueule de Toff. D'accord. Voilà, ça c'est bon. Je voulais dire que tout cet amour n'était pas nécessaire. Hein. Je vous aime aussi. Merci. Voilà. Bon, et puis il y a Héloïse aussi, Héloïse Love Fun qui dit un coup de pelle à la mouche. T'inquiète pas, elle est partie, la mouche. Là, on s'en est débarrassé, normalement, c'est du définitif. En tout cas, je l'espère. Bon, Amandine, j'avais dit qu'on te reprendrait là. Amandine, t'es là ? Oui, je suis là. Parfait. Alors, Amandine, donc, comme je l'ai dit, là, nous avait appelé depuis lundi. J'ai expliqué toute l'histoire juste avant le son de Bakermat. Et bon, t'as eu des nouvelles du mec de Ludo, puisque c'était pour faire un plan à trois avec Virginie à la base. Virginie, entre-temps, s'est rétractée. On n'arrive plus à la joindre. Enfin, bref, Ludo, qu'on n'a jamais réussi à joindre de la semaine. Et donc, tu nous dis que t'as eu des news, apparemment, là. Quelles sont-elles ? Bah en fait, en gros, je l'ai vu tout à l'heure, donc cet après-midi. Ouais. Donc il était dans un sale état, mais vraiment terrible. Mais genre, et donc, sale état, en gros, quoi, il était malade, en fait, bah, bourré de chez bourré, mais ah, pas bourré. Possible. D'accord. Et en gros, bah, moi, habillé un peu sexy, donc mini-jupe avec un décolleté. Attends, tu te l'es pas tapé quand même. Il a voulu me faire du rentre-dedans, donc moi, je l'ai poussé parce qu'il était bourré. Ouais. Donc monsieur, ça ne lui a pas plu, donc il nous a demandé d'arrêter tous les jours sur son fixe. Mais moi, je veux continuer, en fait. Parce que bon, je vais lui faire payer quand même, donc si on peut continuer, je peux continuer. C'est pas vrai, mais ta meilleure amie est derrière. Oui. Attends, mais passe-la-nous. J'ai pas compris, excusez-moi. Passe-la-nous. D'accord, y'a pas de soucis. Donc c'est Virginie, donc c'est la deuxième, les deux copines là. Allô? Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi le problème? Bah rien, y'a pas de problème, je voulais te dire bonjour. Ouais, bah moi je te dis au revoir, alors arrête tes conneries tout de suite, vous en avez marre. Mais non, mais vous rendez compte à tout dans les temps où vous mettez cette Virginie, non, mais je m'en bats des cacahuètes. Non, mais vous mettez ça, c'est à vous de me laisser parler, d'accord? Virginie, c'est toi qui nous a appelé pour faire ça. C'est vous qui m'écoutez. Eh Virginie, je suis pas de machine à répétition, brin. Ça fait 3 jours non-stop, Eh Virginie, la quatrième, hein. Eh Virginie, allez, casse-toi. Elle veut plus vous parler, elle m'a rendu mon. Mais elle est grave, c'est elle qui nous appelle lundi pour qu'on appelle le mec pour faire un plan à 3 et aujourd'hui c'est elle nous dit ouais, il faut arrêter, vous abusez. Bah, elle m'entend là ou pas? Non, j'ai repris en fait. Attendez, ah, merde. Je vais lui reparler. Attendez, je vous la rends. Ah, elle me reparle. Allô? Ouais. Virginie, tu me fais du mal à me parler comme ça, tu sais. Non, mais dis donc. Ça fait 3 jours non-stop pour que vous arrêtez pas de faire votre dawa. Non, mais ça veut dire quoi, de bordel? Notre dawa. Dawa. T'as eu le bordel, si vous préférez. Virginie? Quoi encore? Je t'aime. Très marrant. Mais non, mais c'est vrai, je suis jalouse, hein. Mais ouais, non, mais tu me fais de la peine. Vous voulez pas faire un plan à 3? Bien, tant mieux, je m'en bats. Tu t'en bats quoi? Le sifflet? Ah, mais quoi? Tu t'en bats le sifflet? Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Bon, on va appeler Ludo alors? Ouais. Oui. Non, s'il vous plaît. Parce que moi, je préfère vous le dire. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Ouais. Oh, l'oreillette. Tu veux une oreillette? L'oreillette. C'est bon, je me connais, wesh. Oh, attends, merde, t'as un encore, toi. Eh, Virginie, tu parles, hein? Ouais, c'est ça. Parce qu'il... Pas de soucis. De toute façon, on l'appellera plusieurs fois. On a l'habitude que ça se décroche pas, donc c'est pas comme si c'était le premier soir. Débrouillez-vous des conséquences, hein. T'inquiète, j'ai mon parapluie. Débrouillez-vous des conséquences. Non, mais j'ai mon parapluie. C'est bien. Et comme ils annoncent de la pluie ce week-end, on sait jamais. Allez. Mais Amandine, t'avais pas dit que t'avais son portable? Mais non, j'ai essayé de l'avoir, mais y'a pas moyen. Ah mais Virginie, elle là, elle va nous le donner, non? Bah si, ouais, donne-le Virginie. Même pas. Mais allez, au moins comme ça, ça sera réglé, on fait Amandine. Ça et après c'est fini. Amandine, essaye de choper son téléphone. Bah je peux pas, elle l'a toujours sur elle, elle met toujours ses oreillettes. Alors là, une chose qu'elle doit pas faire, c'est qu'elle fouille dans mon portable. Ouais, bien sûr, t'as raison. La vierge, c'est tenu, quoi. Non, la vierge. Bon, les filles, comme c'est toujours le grand amour, on va vous récupérer après, hein, d'accord? C'est beaucoup mieux. Ok. Ça marche. Virginie! Ouais. I love you. Je t'aime. Allez, à tout de suite. Allez, donne le numéro. Je chope le numéro de portable, Amandine. Non, je compte sur toi. Je vais essayer de l'avoir. Je compte sur toi, ça marche. Bon, bah, tout de suite. On va reparler des malaises maintenant avec Mathieu qui est avec nous là de Tours. Salut Mathieu. Salut. Comment vas-tu? Bah, ça va. Oh, quelle galère. On n'arrive pas à appeler ce Ludo là avec Amandine et Virginie. Là, et Virginie qui nous met des bâtons dans les roues. Ouais, mais on a son adresse. Donc, si quelqu'un peut aller lui porter un téléphone. Ah ouais, si vous êtes sur Avenel, Valenciennes, Maubeuge, Mons, Dour, etc. Dites-nous, hein, vous nous appelez au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On a l'adresse du mec. On n'arrive pas à joindre. Il veut pas décrocher de Ludo. Donc, si vous pouvez aller sur place et lui tendre le téléphone pour qu'on puisse l'avoir au téléphone, ce serait quand même pas mal. Ouais, ce serait même. Parce que si j'ai bien compris, Virginie, elle leur a dit de débrancher le téléphone, donc ça sert peut-être plus à rien, qu'on, tu vois. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Faut que quelqu'un aille là-bas, qu'il soit fort. Bon, Mathieu, on va parler de malaise là maintenant, d'accord? Ouais. On fait ça dans un instant, donc toi aussi tu tombes facilement dans les pommes? Ouais. Bon, on part, bah écoute, ne bouge pas de là, on va en parler dans un instant, Mathieu. On va s'écouter aussi Florida, tu connais? Ouais. Florida et Pitbull avec Can't Believe It, on va se le faire dans un instant. Eh bah bouge pas de là, Mathieu, on aura Alan le retour qui voulait parler de sa prof avec Julien, apparemment il en kiffe sur sa prof, tout un programme. On en parle dans un instant sur Fun Radio, et puis on va se mettre également la soirée sans pub jusqu'à 2h du matin. Carrément, ça arrive juste après ça sur Fun Radio, bonne soirée, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, la bienvenue, ouais. Si vous venez de débarquer, c'est Mickaël, No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat, avec dans quelques instants, la PlayStation 3 qui sera gagnée là sur le Facebook. Allez-y, hein, si vous voulez tenter de la choper, il y a la réponse à la colle à donner sur le Facebook. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà, venez nombreux, répondre à la question, pardon. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous la gagnerez, votre PS3. Ce sera dans un instant sur Fun Radio. Facebook.com/MIKL officiel. Je vous rappelle également que vous êtes les bienvenus sur le Twitter de l'émission. Si vous voulez que je vous follow, vous me faites un follow. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Voilà, vous tapez MIKL_officiel sur Facebook et sur Instagram, et si vous me followez, eh bien je vous followerai également avec grand plaisir. On va continuer également Mickaël No Limit en venant prendre le contrôle, hein, 01 42 48 5000 avec du monde dans le standard, c'est blindé. Il y a Julien qu'on va récupérer dans un instant qui en kiffe sur sa prof et il voulait savoir un petit peu ce qu'il devait faire. On va faire ça dans un instant. Il y a Alan qui voulait réagir, Mathieu également pour parler de plein de trucs, et Florida qu'on écoute tout de suite avec Pitbull. I can't believe it. White girl. Bum, bum, ba-dum. Le son de Florida à l'instant avec Pitbull sur Fun Radio. Je vous cale aussi Avicii dans un instant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de pub là jusqu'à 2h du mat. Ah ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Il y aura Avicii dans la prochaine heure là jusqu'à avant 1h du mat en tout cas. Tapo et Raya également. Un son que vous avez découvert sur Fun Radio, Tapo et Raya avec Quita Tel Top. Et puis je vous calerai peut-être Showtech si vous avez envie de choisir un son, n'hésitez pas. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Voilà, n'hésitez pas à demander, hein, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter, vous demandez le titre que vous avez envie d'entendre et on vous le calera si possible avant 2h du mat sans le moindre problème. Voilà, à vous de proposer et puis nous évidemment, on mettra le son avec plaisir. Il y a Canvenant qui dit « Et au fait, la moto de Toff, elle fonctionne? Si oui, est-ce que je peux faire un tour ?» Eh oui, bah ouais, bien sûr qu'elle fonctionne, elle fonctionne en tout relatif, hein, mais bon... Allez, profite. Voilà. Et attention, faut mettre un casque hein, quand on fait un tour avec la moto de Toff. Il y a Louise aussi qui dit je ne me passerai jamais de vous, je vous aime, c'est gentil Louise. Claim aussi sur le Twitter qui dit moi je suis sorti avec mon maître de stage qui est une fille, ça a duré un an. Et enfin Clara également qui dit tous les styles de personnes se rencontrent dans cette émission et ça c'est beau. Ah bah attendez, il va y avoir du très très lourd qui va arriver dans un instant. Là je vais présenter quelqu'un à Virginie. Je pense que ça peut nous faire la soirée. En tout cas je pense. Bon, il y aura les teubés du jour aussi tout à l'heure. Hein, ce sera à minuit et puis on va également récupérer maintenant Mathieu qui voulait nous parler de malaise. C'est nous qui avions lancé le délire puisque on en avait parlé avec notre boss tout à l'heure en disant que Toff s'était fait un piercing sur le gland et ouais. il a dit attends, c'est pas possible. Tu t'es tombé dans les pommes tout ça, et en fait non, donc il était assez surpris qu'il soit pas tombé dans les pommes puisque notre boss a dû avoir, je sais pas, bon, on a dû lui faire un truc, un frottis, j'en sais rien, et donc lui est tombé dans les pommes pour ça. Ouais. Donc on s'est dit putain, est-ce que c'est souvent comme ça, est-ce qu'on tombe souvent dans les pommes. Moi ça m'est jamais arrivé car je suis un homme, c'est vrai, et que j'ai fait le Vietnam. C'est vrai. Voilà, d'ailleurs, exactement. T'es blessé, t'es oui, t'es... oui, bah, j'ai une cicatrice sur mon bras d'ailleurs. Ah oui, énorme cicatrice. Et énorme cicatrice, tout à fait, ouais. Et donc, j'ai fait 0,1 point de suture. Il faut le savoir. Et toi, Mathieu, alors, sois le bienvenu de Tours, là. Comment ça va, Tours? Ça va. Oh, mais ça a l'air, hein. Et il s'est passé un truc à Tours aujourd'hui ou pas? Non. Ah, je sais pas, comme t'as l'air plus qu'au taquet, là. Je m'inquiétais. Non, mais ça va, si c'est rien passé, tant mieux. Hein. Bon, alors, dis-nous Mathieu, toi, est-ce que t'as aussi peur du sang, peur de la vue du sang? Est-ce que t'es déjà tombé dans les pommes? Dis-nous tout. Ouais, je suis tombé plusieurs fois dans les pommes. Là, tu vas pas tarder à tomber aussi, d'ailleurs, à mon avis, non? Comment ? Tu vas pas tarder à tomber dans les pommes là également, non ? Non. Non, ça va, ça me rassure alors. Bon, et pourquoi t'es tombé dans les pommes ? Parce qu'en fait, dès que je vois le sang, ouais. Bah voilà. Ah ouais, c'est la vue du sang, toi, en fait, qui te fout les boules. Ouais, voilà. Et même dans les hôpitaux, quand je rentre dans l'hôpital, ouais. Après, il y a la chaleur et tout ça, et puis bah après, je tombe dans les pommes. Ah ouais, il y en a qui ont ça, effectivement. Ouais. En fait, il y en a qui dans les... Enfin, je pense, hein, dans les hôpitaux, tu sais, c'est l'odeur et c'est le fait d'être avec plein de malades, plein de microbes, etc. Et du coup, en fait, ils pètent une durite, quoi. Ils tombent tout simplement dans les pommes. C'était déjà arrivé toi, Polo, tomber dans les pommes ? En fait, bon, je me suis un peu battu, je me suis pris un mauvais coup et je suis tombé, ouais. T'as perdu ? Ouais. Boum ! Oh là là, quel mauvais là, s'est fait taper dessus, il a perdu. La honte ! C'est une balle. La honte ! La honte ! La honte ! Tu t'es déjà battu toi ou pas, Mathieu ? Ouais. Et t'as gagné toi ? Bah bien sûr. Toi t'es un homme toi. Toi t'es un vrai, tu vois, toi t'es un homme. Et Polo, lui c'est une merde. Ouais, bah. Voilà, lui c'est une merde. Alors, ça c'est Mathieu. Oui. Et ça c'est Polo. Et ça c'est Mathieu. Voilà, je pense qu'on a bien fait la séparation des deux là, a priori. Hein. Ah ça arrive. Bah oui, c'est ça. Et Kelly au standard, est-ce que tu tombes dans les pommes ou pas ? Oui. À cause de ? Après avoir. L'odeur de toff. Ah bah tu m'étonnes. C'est quand il a la chute après, ouais. Non, quand je me suis fait percer mon nombril. Oh ça va. Voilà. Juste pour ça. Parce que j'avais pas mangé en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Et tout, non mais si c'est que pour ça, ouais, alors mais d'accord. Je me suis pas battu tout ça comme Polo. Ouais, mais c'est ça, voilà. Mais en plus toi, Polo, il a perdu, c'est ça le pire. Ouais. Je pose pas la question à Toff parce qu'il est parti pisser déjà. Pisser ou pose caca. Ou la pose caca, c'est le cas de le dire. On sait pas très bien là. Dites-nous d'ailleurs les autres, hein, si vous êtes déjà tombé dans les pommes pour une raison X ou Y, vous nous envoyez votre tweet là maintenant en mettant le hashtag Mickaël ou alors vous appelez le standard tout de suite 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Un message aussi qui est arrivé. Mickaël, appeler et un coup de lance-flamme dans la gueule à Virginie, ce serait pas mal. Ouais, t'inquiète pas, je le garde, Lucie, là. Je le garde lance-flamme à portée de main, y a pas de problème. Lâche pas l'affaire, c'est Brandon qui avait envoyé un message. Et puis Abby sur le Twitter qui dit non, sérieux, je tombe dans les pommes que quand je suis en manque de sucre. Ouais, y en a aussi, c'est dû au sucre, ça peut arriver, effectivement. Attends, y a aussi Game Rider. Oui. Ah, c'est ton pseudo ça, Game Rider? Oui. D'accord, ok, très bien. T'appelles d'où, toi ? C'est son vrai nom. Lavor. Lavor, d'accord, ok, très bien. Bon, ben, sois le bienvenu. T'es déjà tombé dans les pommes, toi ? Oui, avec mon frère, on faisait les idiots. Il m'a mis un mauvais coup et je tombais. Ah, c'est vrai. Mais genre, un mauvais coup, il t'a frappé ou genre... Non, on jouait, en fait, et... Il m'a mis un mauvais coup et je suis tombé dans les pommes. Oh putain, t'imagines quand t'es frère, si tu tapes ton frère même sans faire gaffe, ou tu tombes. Tu dans le ventre, putain. Souvent. Tu sais, quand tu tapes dans le ventre, en haut là, ça te met KO. Ouais. Je me suis jamais battu, et les gens ont peur de moi. Il était explosé de rire, lui. Ils ont quoi ? Il était explosé de rire. Ah, ça l'a fait rire, hein. Et il s'est peut-être dit, bah la bonne affaire, je vais récupérer la chambre. Ça va être cool, hein, de plus devoir partager la maison, ça va être quand même vachement plus sympa. Non, pourquoi pas, c'est vrai, ouais. Et du coup, toi, tu t'es vengé derrière ou pas ? Ouais, un peu plus tard, j'ai mis un petit coup et bon, y a rien eu. Oh, ça va, t'as encore été plutôt gentil, quoi. Oui. Bon, la prochaine fois, tu nous appelles et puis nous, on débarque, hein. Pas de problème, on débarque avec le lance-flamme. On rigole pas, nous. Voilà, c'est ça, y a pas de problème. Et puis, bah, nous, on lui fera son affaire, hein. Ok. T'inquiète pas. Bon, bah, merci en tout cas, Game Rider, d'être passé là. Ouais. Excusez-moi, je pense que j'ai la réponse là du monsieur qui a. D'accord, eh ben tu vas sur le Facebook et tu donnes la réponse. Mais je peux pas parce que je suis en internat et je peux pas. Bon ben ça va, tu peux envoyer un message alors. Allez, c'est bien parce que c'est toi. Mais je peux pas le dire comme ça. Ah si, mais tu gagneras pas. Pourquoi ? Bah parce que tout le monde doit s'inscrire par Facebook ou par SMS. Alors t'imagines les mecs, ils ont donné la réponse par Facebook, ils attendent et puis il y en a un qui arrive, hop là, j'enfume tout le monde et je donne la réponse. Mais tu peux la donner, mais je te dirai pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Bon, vas-y, c'est un gâteau. C'est un gâteau. Attends, on va demander directement à Arnaud, là. Arnaud ? Non, pas du tout. Bon. Game Rider ? Oui. Allez, retourne à l'internat, là. Salut, Game Rider ! C'est dégueulasse. Ciao, Game Rider. Bah, comme t'es là, tiens, Arnaud, tiens, bah, refais péter un petit coup, là. La colle de ce soir pour gagner la PS3, tirage au sort avant minuit 30. Donc, il reste 30 minutes, là, les gars. Maliez-vous. Hein. Alors, attention, c'est parti. Vas-y, Arnaud, pour la colle. Alors, dès que vous m'avez... Alors, attends, dès que vous m'avez, Vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus, qui suis-je? Dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus, qui suis-je? C'est bien, voilà. C'est bien ça? C'est ça. Bon, très bien. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Eh bien, vous envoyez tout simplement votre réponse maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com. Vous tapez Mickaël officiel. Et donc, quand vous serez sur la page, il y a une photo avec la PlayStation 3 et la question. Eh ben, il suffit tout simplement d'aller écrire en commentaire votre réponse. Si vous êtes tiré au sort, on vous appelle. On vous fera un message privé. On vous appellera ensuite pour vous offrir votre PlayStation 3. Si personne ne trouve la bonne réponse, la PlayStation 3 est pour toi, Arnaud. D'accord ? D'accord. Bon, je répète encore un coup, dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors, je ne suis plus, qui suis-je ? Bonne chance tout le monde, pour ceux qui n'ont pas internet, vous pouvez aussi jouer par SMS, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. A tout à l'heure Arnaud. À tout à l'heure Arnaud, très bien. Bon, Mathieu, merci à toi d'être passé également. De rien. Et tu reviens quand tu veux, hein. Ok, je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne, on t'écoute. Ok, bah toute ma famille. Très bien, eh ben, on embrasse la famille, on embrasse tout le monde à tour, pas de problème. Oui, le pack fun, on va te le filer, bien sûr, pas de problème, je te repasse Kelly au standard. Salut Matt, à bientôt. Salut. Allez, et n'oublie pas de prévenir tous tes potes hein, au bahut, là, qu'on est là, hein, 23h, 2h tous les soirs sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, et le dimanche à 20h. Ok, ça marche. Bon, je compte sur toi, salut à toi Mathieu. Message aussi, ah, Arnaud. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient de proposer, je pense à l'amour pour la colle, c'est Baptiste. Allez, un coup de lance-flamme. Ah merde, j'espère que ça a pas fait fondre la réponse d'Emmanuel. Emmanuel qui proposait un ferreur la colle. Allez, un coup de marteau-piqueur. Non, oh, plus. Dis donc, marteau-piqueur, lance-flamme, toi t'y vas, toi. Voilà. Voilà, c'est bon. Eh, cela dit, moi j'ai un ferreur au rocher, il est pas question qu'on le partage. Ah bah non, je le garde, attends, je le bouffe le ferreur au rocher, ils sont sérieux là. Vas-y. Pas question de le partager. Mais t'as raison, évidemment. Bon Arnaud, merci à toi d'être passé en tout cas, et on te reprend dans quelques minutes. Hein. Ok, ça marche. Et les autres, allez-y, maniez-vous hein, sur le Facebook, allez-y pour la réponse pour gagner votre PlayStation 3. facebook.com/mickaël officiel. Retour avec Julien dans quelques instants, et avec Amandine et Virginie également. Vous êtes toujours là les filles? Oui. Bon Amandine, dis à Virginie là que j'ai une surprise pour elle dans un instant. Attendez, je lui dis. Virginie, j'ai une surprise pour toi dans un instant. Elle est sérieuse. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, on n'a pas eu au téléphone. Bon, on revient dans un instant, Amandine. Bouge pas de là. Ok, à tout à l'heure. Bouge pas de là. Et puis on aura Anthony aussi dans quelques instants. Et puis bah vous, hein, si vous voulez parler avec nous, en direct jusqu'à 2h du mat. On est au cœur de la nuit sans pub, là, donc on est à la cool. 01 42 48 5000 pour prendre le contrôle. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Mickaël No Limit sur Fun Radio. C'est jusqu'à 2h avec le son d'Avicii. Maintenant, c'est Wake Me Up. Et si vous voulez choisir vos titres, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter et le titre que vous voulez. On attend ça avec impatience. Feeling my way through the darkness. C'est Fun Radio, pas de pub jusqu'à 2h du mat, ouais, avec le son d'Avicii à l'instant. Et oui, c'était Wake Me Up. Et d'ailleurs, pour la pub... Voilà, on s'en est débarrassé. Il y a Florian qui a envoyé un message sur Twitter qui dit salut l'équipe, je pourrais avoir un coup de pelle pour me remettre les idées en place, pas de problème. Allez, tiens, c'est pour toi ça, Flo, attention. Voilà, wow, tu l'as prise en pleine tranche. Brandon qui dit plus de pub, c'est bon ça. Bah c'est clair. Youngblood aussi, pitié, je vous vénère jusqu'à la fin de ma vie si vous mettez le remix de Kent Aldous par Major Lazer. Ah bah je sais pas si on l'a, tu, on va voir, mais si on l'a avec plaisir. Il y a bah Toff, il va chercher hein. Mais bien sûr. Bah oui, oh voilà, là. C'est ça. Hein, Posiaka va chercher. Voilà. Alors il y a Brandon qui dit la surprise, c'est un bazooka. Et bah tu verras. Il y a Axel aussi qui dit salut, c'était pour dire au mec qui hésite à se taper sa prof, c'est une mauvaise idée. Une amie à moi a fait l'objet d'une rumeur comme quoi elle s'était tapée le prof d'info. Elle s'est faite virer juste pour une rumeur. Mais j'ai appris plus tard qu'elle l'avait vraiment baisé. Enfin bref, c'est pour lui c'est une mauvaise idée. Donc tu sais, elle s'est fait baiser pour une rumeur, mais en fait j'ai appris que c'était vrai. Donc tu vois, au final elle s'est pas fait baiser, virer pour une rumeur. Hein, non, ça, c'est, ça c'est clair. Bon, allez dans un instant sur Fun Radio, on va récupérer Julien pour parler. Bah justement de sa prof en l'occurrence là, il est chaud derrière sa prof. On va essayer de récupérer Alan dans un instant bien entendu. On aura la surprise pour Virginie. Et puis là ce sont les teubés évidemment du soir. Les teubés qui, comment vous expliquer encore une fois, bah c'est les teubés en même temps hein. C'est à dire oui, que tout est dans le nom hein. Hier on a eu droit à Aurélie de l'île des vérités qui était encore en pleine forme. Parce que toi depuis là tout à l'heure là, t'es en train de me faire du vice. tu es en train de me faire du vice. Bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est que du vice, mais bon. Et puis dans 90 minutes, sur 82 minutes, c'est con. 90 minutes sur 90 minutes d'enquête, je vais y arriver sur TMC. Il y a la police qui arrête une meuf bourrée au volant. Alors du coup, bah, sa copine essaye de lui récupérer son son permis de manière, enfin à sa façon quoi. La conductrice a perdu son sourire. Arrête, s'il te plaît, j'ai plus de permis. T'as compris que j'ai plus de permis? D'accord? Je sais, j'ai pas ça. Bah c'est bon, alors tu vas dans la voiture, j'ai plus de permis. Son ami semble prêt à tout pour obtenir l'indulgence des gendarmes. Ah oui, à tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je donne mon numéro, on se revoit, on fait l'amour si tu veux. Non, non, non. Je te peux pas. Tout ce que tu veux, le père retrait de permis. La plus grande amende, tout ce que tu veux. T'as combien le ton? Je te fais l'amour. Je te le jure que c'est vrai. Je donne mon numéro. C'est non, non, non, non, non, non, non. Le charme de la demoiselle ne suffira pas. Ah bah tu m'étonnes. La meuf elle propose de lui faire l'amour, de faire tout ce qu'il veut, pardon, mais pas d'enlever le permis. Alors je sais pas ce qu'elle avait fait comme connerie. Et en parlant de ça, je tiens à remercier le flic tout à l'heure à Porte Maillot avec qui j'ai fait un doigt. Évidemment, je sais pas que c'est un flic, un mec il me chauffe, il me klaxonne dessus alors il fait une connerie. Donc je lui fais un doigt et puis ça arrête, monsieur c'est la police, j'ai fait un doigt. Non non, mais en fait c'était Polo qui l'avait insulté. Parce qu'on était sans le décapoté. Enculé! L'autre il arrive, je dis oh putain, on va être dans la merde. Donc voilà, si la police nous écoute, oui, c'était bien à toi qu'on avait fait un doigt. Et vous me faites un doigt. Bah non, c'est pas pour vous, c'est pour le mec qui est passé là. Allez. Comme quoi finalement, ça va, il faut juste être humble. Ouais. Et puis le champion de ce soir des teubés, évidemment, c'est Ribéry qui démontre encore une fois sa maîtrise parfaite du français. Écoutez ça. Mais j'espère que la retourne va. La vie tournée pour lui et surtout pour nous. La retourne, j'ai mis la photo avec ça sur le Facebook, vous pouvez aller voir. facebook.com/michaelofficiel. J'espère que la roue tourne va vite tourner pour lui. C'est genre c'est une roue qui tourne. Oh là là, mais sans déconner quoi, il est vraiment. Il est ouf quoi. Il est vraiment ouf. Ouais, c'est Ribéry les mignons. Et d'ailleurs en parlant de mignons, j'ai mis aussi une vidéo avec Martin Garrix qui est sur le Facebook. C'est une version spéciale Martin Garrix avec moi moche et méchant. Donc si vous voulez aller voir, ah non mais ça dure 7 secondes, c'est à se pisser dessus. facebook.com/MIKL officiel. Bon, allez, on va se faire maintenant. On va récupérer Amandine comme promis dans un instant. Stéphane également qui voulait parler à Virginie. Et nous avons avec nous maintenant Anthony qui est avec nous. Là, Anthony, tu nous appelles pourquoi? Bonsoir. T'appelles pourquoi? J'appelle pour faire une blague à ma meilleure amie, là, une amie d'enfance. Ouais. Puis donc, je voudrais lui faire une petite blague parce que je l'aime bien et puis j'aime bien la taquiner de temps en temps, quoi. D'accord. Bon, ok, mais tu veux faire quoi? Un canular. Non, ça j'imagine bien, mais t'as déjà prévu une idée ou tu veux qu'on travaille et qu'on fasse tout là? Il faut que je serai directement dans un trafic de drogue et que je me suis fait pris par le parrain de la mafia. Putain, c'est quoi cette histoire? Me séquestrer, je peux pas parler longtemps et puis je me demande qu'elle me rappelle et que. Il y a pas de problème. Voilà. Quoi. Ah, je tiens bien la voix de du mafieux là. Tu vois? C'est bonsoir. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'aime bien. Alors, on va donc appeler ta copine, comment elle s'appelle, elle? Marie. Elle s'appelle Marie. Très bien, rien à voir avec son prénom, évidemment. Bon, Marie, donc on va l'appeler dans un instant, tu la connais depuis combien de temps? Depuis l'âge de 6 ans, depuis l'âge de la maternelle, quoi. Ah ouais, d'accord, donc ça fait un bail, très bien. Bon, écoute, on va y aller, donc du territoire de Belfort. Mais t'as l'habitude, toi, de magouiller dans des trucs de drogue et tout ça? Non, non, j'ai jamais fait ça. Attends, parce qu'il faut trouver un plan, alors pourquoi est-ce que tu te refâches? Il a besoin de thunes, elle est pas censée savoir qu'elle est au courant que j'ai du trafic de drogue aussi. Hein. C'est pas faux. Bon, écoute, alors, on va dire que tu me dois 1000 euros parce que t'as pris du matos que tu m'as pas payé. Plus. Ouais, que tu me cassais la gueule. Ouais, ah bah bien sûr, évidemment. Donc là, t'es séquestré, tu sais pas où t'es. C'est quoi la rue qui est un peu chaude dans le coin là? Les Cités. De quoi? Les Cités. C'est quoi, c'est une rue, c'est un quartier, c'est quoi? Non, c'est le quartier des Cités Adèle. Quartier des Cités, très bien. Ok, voilà. Et donc forcément là t'étais en train de refourguer ta merde là. Et donc bah évidemment moi je suis arrivé Don Antonio. Ah oui. Don Antonio le sauveur. Ouais, Don Antonio, ça... Non mais c'est bien le Don Antonio. Bien non sûr, oui. Attends. Son bras droit pour chacun. Quoi. Et j'ai la musique. Si. Bonsoir. Don Antonio. Don J'espère Antonio. Que vous allez bien. Don Antonio. Si, bonsoir, ferme ta gueule. Avant que je te mette une balle dans le fion. Bon. Ok, parfait. Tout est là, tout est prévu. On est au taquet. La musique du parrain, elle est là. Sait-on jamais, on sait, ça peut servir. Hein. Et écoute, on va y aller alors. Hein. On va l'appeler et puis on va se démerder au cas où, quoi. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Donc, elle s'appelle, comment tu m'as dit encore, Marie. On y va. Allez, hop là. Tu commences à parler. Alors, le concept, c'est donc qu'on t'a séquestré jusqu'à ce que tu rendes l'argent. OK ? Ouais. Donc à peu près 1 000 euros et on t'a donné le téléphone, on t'a donné le téléphone pour que tu puisses, pour que tu puisses l'appeler. Donc tu vas lui demander de l'aide. Il faut, genre, il faut qu'elle vienne ce soir, quoi. D'accord. Ouais. Bon, parfait. Allez hop, on y va. Sois bon. Décroche. Bah, ce serait mieux, ouais. Décroche. Ça se trouve c'est un numéro masqué. Peut-être qu'elle a. Allô. Allô. Ouais, Vincent. Non, c'est Marie. Salut Marie, ça va? Oui, ça va et toi? Je suis dans la merde, Marie. C'est bon. De quoi? Je suis dans la merde. Qu'est-ce que t'as? Ben, si tu veux, j'ai refourgué de la drogue aux résidences. Et là, on m'a passé le téléphone et puis je dois 1000 euros. Quoi? Je dois 1000 euros. Mais t'es qui, toi? Mais je suis Anthony. On connaît pas, quoi. Mais pourquoi t'as... Mais je suis dans la merde, Marie. Faut que tu viennes m'aider, là. Bon, alors, est-ce qu'elle va venir ou pas? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que tu me fais chier? Oui, bah dépêchez, jusqu'à preuve du contraire, elle s'occupe de les 1000 euros, hein. Oui, bah occupe toi, moi j'en ai rien à foutre, tu me fous la paix. Non, ça se passera pas comme ça. Qui avait Marie, vous le téléphone? Moi. Attends, mais qu'est-ce que je passe, moi? Tu crois que j'ai 1000 euros sur mon compte? Attendez, passez-moi le téléphone. Passe-moi le téléphone directement, mets-toi sur le côté. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Moi, je suis personne. Vous n'êtes personne, vous ne le connaissez pas du tout. Hein? Vous ne le connaissez pas du tout. Mais déjà, j'ai pas à vous parler, vous me repassez lui. Non, attendez, vous êtes personne pour me donner des ordres, vous l'avez dit vous-même, hein, vous n'êtes personne. Alors d'accord, vous allez vous calmer. Bon, écoutez, le petit me doit 1000 euros si vous les apportez pas directement, là, moi, je vous attends. Hein, je lui pète la gueule, là, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, donc, il y a un moment, attendez, excuse-moi, oui. Est-ce que je peux lui péter un genou? Attends un petit peu. Est-ce que vous allez venir, mademoiselle ou madame, je sais pas. Non. Tu peux y aller, hein. Allô, attends, vas-y, bats ta sale gueule de là, coudons ta sale gueule de con là. Vas-y, tape là. Pousse caca. Pousse caca. Tape dedans. Allô. Pour 1000 euros. Bon, est-ce qu'elle va venir ou pas? Est-ce qu'elle va venir ou pas? Marie, mais j'ai pas 1000 euros moi. Elle a l'argent ou elle a pas l'argent? Elle a pas l'argent. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la place? Bon. Mais dans quel embrouille là, Tony? Est-ce qu'elle peut apporter quelque chose de valeur, comme des téléphones ou quoi? Oh, Giovanni, reprends-le, attends, je reparle avec la copine là. Hey, allô, sort le marteau piqueur. Allô? Oui, allô. Bon, est-ce que vous allez venir ou non? Est-ce que vous avez quelque chose? Peut-être pas l'argent, mais je sais pas moi, le téléphone ou les iPads ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai rien du tout, moi. Vous me parlez d'histoire, je suis pas au courant. Non mais c'est pas le problème, on est pas la police, on est pas la poste ici, ok? Je devais pas téléphoner avant pour voir, moi je veux mon argent ce soir, il avait promis aujourd'hui à midi. Et je n'ai pas l'argent, alors qu'est-ce que je dois faire? Eh ben vous lui laissez un délai. Non, je lui ai déjà laissé un délai, je vais pas laisser comme ça des délais à tout le monde. Non, je vais pas laisser des délais comme ça. Trois têtes de plus que lui, je pense que vous... Je veux pas le savoir, il l'avait déjà vu quand je lui ai donné la marchandise et qu'après il m'a pas payé, tu vois? Oui, mais je suis bien d'accord, mais vous faites des choses comme ça et vous en parlez au téléphone. Dis donc, t'es en train d'essayer de me donner des cours ou je rêve là? Bah non, mais je veux dire, je connais un peu les histoires, les affaires, je sais pas, moi, à votre place, je parlerai déjà pas de ça au téléphone avec une fille que vous connaissez pas. D'accord, ok, merci pour le conseil. Bon, et l'argent? Et l'argent, je veux dire, moi j'ai rien. Je prends bonne note. Oh Giovanni, tu peux sortir le marteau piqueur, on va lui mettre un nouveau pied, tu vas voir. On va voir s'il va rigoler comme ça là. Hein? On va voir s'il va rigoler comme ça là. Alors, où est l'argent? Moi, je vous apporterai rien, monsieur. D'accord. Est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, monsieur? Oh, Giovanni, je te le laisse encore un coup. Enculé! Putain! Allô? Allô? Ta gueule! Allô? Allô? Oui. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez passer ce soir avec quelque chose de la valeur de plus ou moins 1000 euros et je vous le rendrai demain s'il apporte l'argent. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il va le trouver en une nuit, hein, mais bon. Eh ben, ce que vous faites, vous le déposez chez lui, vous lui prenez son portable, bon. Vous prenez un truc de lui. Non mais qu'est-ce que ce portable, qu'est-ce que c'est que je veux que je fasse avec ça? Moi, vous voulez que ça? Vous croyez que j'ai quoi? Mais mon portable, c'est un portable pourri. Qu'est-ce vous que c'est le téléphone? C'est quoi le téléphone? Allô? Il n'est même pas tactile, mon machin. Bon, ce n'est pas autre chose, je sais pas moi, le tablette ou l'ordinateur portable ou... Je travaille pas, je fais rien. Vous voulez que je vous amène quoi? Tu t'engages, c'est-à-dire que si j'ai pas l'argent demain, c'est toi que je vais voir, d'accord? Ah non, si, moi, si. Je n'ai pas vos histoires, moi. Ah non, parce que moi, il m'a donné ton adresse. Donc je sais où tout le je sais où t'habites, hein. Et c'est quoi mon adresse? Je l'ai pas encore. Eh, Giovanni, quelle est l'adresse qu'elle a donnée, la petite? Apparemment, c'est tout près de la résidence de Belfort, là. C'est ça. Un ou deux kilomètres. J'ai l'adresse, t'inquiète. Bon, écoutez, de toute façon, je l'ai pas là, mais si t'inquiète pas, tu me verras demain à midi si je n'ai pas l'argent, hein. Non, mais moi je viens demain à midi là, pour chercher l'argent, je viendrai te déposer ton ami là de sac à merde là que je vais te déposer, d'accord? Vous le déposez chez lui? Moi je vais le déposer puisque tu m'as dit laisse jusqu'à demain, donc c'est que tu t'engages, ok? Non, moi je m'engage pas. Ah si si. Ah si si. Ah si si, tu t'es engagé là. Si si si si. Je vous ai pas si, si, si, si, si, si, si, si, tu t'es engagé, d'accord? Et donc, ce qu'il a pris hier, là, moi, je vais le faire avec les frères, avec la famille, tout ça, je m'en fous, moi, je vais récupérer mon argent. Je ne suis pas engagé, j'essaie de trouver. Oui, oui. Moi, je suis d'accord, tu vois, je suis ouvert, je vais te laisser les bénéfices du doute. Anthony! Quoi? Tiens, je te repasse ton téléphone, pourquoi est-ce que tu as dit de téléphoner? On ne connaît pas, personne ne te connaît là-bas. Tu te fous de ma gueule une deuxième fois, tu veux vraiment encore un coup de marteau piqueur? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Arrête. Bon, écoutez. Oui. Je vous laisse. Je vous rappelle au besoin, d'accord? Bah écoutez, oui. Je vais encore discuter avec lui d'une manière d'homme. Anthony! Quoi? Bonne soirée, madame. Oui, bonne soirée. Pardon, je creuse le trou ou pas? Si, tu peux y aller là. Ok, je vais le faire. Eh, Anthony! Quoi? Mais t'es con, pourquoi t'as dit que c'est ta meilleure amie, la plus nouvelle des autres depuis 1000 ans? Mais c'est ma meilleure amie maintenant, elle me dit que c'est pas ma meilleure amie. Mais voilà. Rien à foutre de ta gueule. Oh là là, quelle violence. Ouais, mais bon. En même temps, c'est un peu chaud là, c'est la mafia qui arrive, toi, elles ont rap là. Moi je dis on rappelle en se faisant passer pour la police. Et on leur dit, ouais, la ligne, elle est surécoute et ouais, tout. Ouais, on le fait. D'accord. Bon, écoute, alors on va rappeler. Anthony reste dans le coin là. On va te couper une jambe tout à l'heure, Anthony, hein. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. On a déjà coupé une. On l'a mal coupé alors. On l'a mal coupé, mais t'inquiète pas. Non, mais en vrai, avec la tronçonneuse, si on l'a. J'ai la scie. Ou alors j'ai l'électrique, à vous de voir. Donc quand tu vas entendre le bruit, tu gueules, Anthony, hein. Je peux pas crier trop fort, hein. Non, mais genre, t'as mal, quoi, on te coupe une jambe. Eh, pose caca, t'as quelque chose à dire, là? Ouais. Non, moi, ça me va. Ah bon? Bon, Anthony, bah, bouge pas, on va l'appeler dans un instant, d'accord? Ok. Bon. Oh merde, je me suis gouré. Voilà, on va faire ça dans un instant, c'est la pause caca qui voulait parler. Bon, on rappelle dans un instant, dites-nous hein, si vous êtes dans le délire, si vous voulez qu'on appelle en faisant le mode flic pour voir un peu comment ça va se passer. Vous mettez le hashtag Mickaël, on fait ça dans un instant. Il y a Brandon qui dit il fait trop bien le mec qui se fait taper. Ouais, c'est vrai en plus. Héloïse qui dit me mêlez pas à vos histoires, je m'en bats les couilles. Abby qui dit aussi pour le moment ça a l'air bien mort de rire, sauf que la meuf le laisse bien dans la merde. Ah voilà, pour le coup vraiment bien. Et Mohamed qui dit Mickaël, t'es mortel. Ah attendez, je fait bien quand même l'accent. Au début, je maîtrisais pas très bien, puis au fur et à mesure, je suis rentré dans mon rôle. Oui, c'est dans mon rôle théâtral. Talent, tu es exactement. L'acteur, tu es le Alain Delon. Très très loin. Bon, on parlera aussi dans un instant évidemment encore avec Julien qui est toujours chaud après sa prof évidemment, toujours la surprise d'Amandine qui va arriver. Et puis les filles, si vous avez un prénom qui finit par A, appelez-nous parce que bah déjà j'ai des cadeaux pour vous aussi et en fait bah, je veux vérifier, je plaisantais pour les cadeaux. Ah, je veux vérifier simplement un sondage que j'ai vu. Donc voilà, appelez-nous en masse les filles avec un prénom qui finit par A au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Uniquement les filles dont le prénom termine par A. Allez, la suite dans un instant. On va récupérer Anthony dans un instant. On va rappeler sa copine en mode police. Juste après le son de Tapo et Raya qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Quid à tel top. C'est Fun Radio, on est au cœur de la nuit sans pub là maintenant. Mickaël No Limit, on est en direct sur Fun. C'est jusqu'à 2h du mat. Soyez les bienvenus si vous arrivez. Quitte à tel top sur Fun Radio. C'était Tapo et Raya sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer là. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat ce soir, comme d'habitude. Et le dimanche également, de 20h à minuit. Il y a Siegfried aussi qui dit de canular, mort de rire. Héloïse qui dit la meuf, elle s'en bat les couilles. Il y a Claim qui dit oh là là, le canular de ouf. Et alors, belle voix de mafieux, dis donc, The Miss of 67. Merci, mais je te remercie. Et Can Vante qui dit aussi c'est là qu'elle appelle vraiment les flics. Bonne chance pour la suite. Bah écoute, on va rappeler là justement maintenant. Voilà, Anthony, donc on va la rappeler. On va te mettre en antenne, du coup, ok? Ok. Bon, parfait. Très bien. Et donc le principe, évidemment, c'est que... Bah moi j'appelle, je dis que la ligne est sur écoute et moi je veux savoir quoi. Ouais, t'es en train de trafiquer avec le parrain. Ouais. C'est ouais. quand même bizarre, vous lui devez 1000 euros, c'est quoi cette histoire? Ouais, moi j'ai entendu pour les 1000 euros, moi je veux savoir ce qui se passe. Et que dès que je rappelle, il faut qu'elle dise ok, qu'elle ouais. vienne et comme ça tu débarques avec, la police débarque avec. Ouais. Et moi je rappellerai dans une demi-heure. Oh là là, on va faire un film là. Ouais, allez, allez, c'est parti. Allez. Donc Anthony, là on est en mode congé de tournage. Allô ? Oui, allô, bonsoir madame. Bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que c'est la police au téléphone. Ah, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que votre... Enfin, on est en train d'écouter un parrain assez influent, Don Giovanni. Oui. Ça vous dit quelque chose ? Pardon, Giovanni ? Oui, ça vous dit quelque chose, Don Giovanni ? Pas du tout. Ça ne vous dit rien ? Non. Non, c'est bizarre parce qu'il vient de vous appeler. Bah, en fait... C'est un appel que je viens de recevoir. Mais alors, on vous a appelé ou on vous a pas appelé ? Madame, c'est la police, on n'est pas là pour rigoler. C'est le commissaire ? Ouais. On fait quoi de la pute là qu'on a arrêté ? Bah, mettez-la au trou, on la reprendra demain. Ah, okay, c'est le bon, allô ? Oui. Bon, alors, on a été appelé par John Giovanni ou pas ? Non. Ah bon ? Et qui c'est qui vous a appelé là, il y a 5 minutes ? Oui. On sait pas. Vous savez pas ? Vous avez bien reçu un appel ? On a reçu un appel en inconnu. Voilà, et on vous a pas parlé d'argent. Eh, monsieur le commissaire ? Ouais, ouais. Il y a du shit, là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a du... Bah, on le fume. On le fume ? Je le fume ? Bah oui, roule-le, là. Bah, j'y vais. Mais vous êtes qui, vous ? Moi, c'est la police, madame. C'est le commissaire. Commissaire Robert. Bon. Vous êtes qui ? Commissaire Robert, brigade anticriminalité. Bon, on arrête de rigoler, on va se dire la vérité ? C'est quoi ? Mademoiselle, allô ? C'est la police, madame. Vous comprenez ça, police ? Et vous fumez du shit ? On fait ce qu'on veut au commissariat. Bon. Vous fumez du paquet ? Bon, la demoiselle, on va arrêter de rigoler, hein ? On va se parler des choses sérieuses. Le parrain, il vous a appelé. Il voulait 1000 euros. Pourquoi il voulait 1000 euros ? Je sais pas. Bon, comment ça, vous savez pas ? Vous avez parlé de quoi, là, pendant 10 minutes ? Oh. Bon, allô. Je commence à être fatigué, si vous voulez, moi, j'ai des choses importantes à faire. Ouais, ouais, vous avez, bah, là, c'est la police, madame, c'est une enquête. Vous voulez qu'on vienne chez vous, qu'on vous arrête et qu'on vous embarque pour rigoler, pour voir comment ça se passe ? Ah, ouais, on fait moins la maline, hein. Bon, je suis le commissaire Robert, brigade anticriminalité. Je vais devoir le dire combien de fois ? Allô ? Pour les policiers. Bon, on arrête de rigoler, on discute ? D'accord, on discute. Bon, alors, il vous a appelé, il vous a demandé 1000 euros. Bon, allô ? Allô ? Vous m'écoutez ? Oui. Bon, je sais qu'il vous a appelé, qu'il vous a demandé 1000 euros, je le sais, on a écouté la conversation. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui donner rendez-vous, parce qu'on ne sait pas où il est. Donc, il va vous rappeler, parce qu'il va pas, c'est comme ça, on le connaît. Il va vous rappeler, vous prenez rendez-vous, et vous dites que vous allez payer. Ouais, d'accord. Okay, ouais, d'accord. Ok. Nous, on écoute la conversation. Quand la conversation est finie, je vous rappelle. Et vous me... Ok ? Et vous me donnez les détails. Ok. Vous avez tout compris ? Non. Bon, qu'est-ce que vous avez pas compris ? J'ai pas compris que à 9h30 du soir on m'appelle et qu'on passe des trucs comme ça alors que je vous ai rien demandé. Oui, mais ça c'est madame, les choses elles se passent comme elles se passent. Hein. C'est moi non ouais, plus. Mais... Si je pouvais choisir, je serais dans mon lit en train de baiser ma femme. Hein. Non mais je suis d'accord avec vous, après vous faites ce que vous voulez avec votre femme, ça regarde pas. Mais bon. Là, si vous avez écouté son appel, vous savez très bien les portables et la géolocalisation, vous voulez y aller, bah vous allez, vous êtes, c'est pas Mission Impossible, c'est pas Iron Man ici, hein. C'est la police française, madame. Hein. Bah, justement, la là, police, elle a plein de moyens, elle regarde pas quelle actualité. Hein. Ouais, vous regardez quelle actualité. Et puis c'est police nationale, pas police française. Les experts, tout ça, ça existe pas. Hein. Mais je suis pas sûre quelle chaîne, non. Hein. Bon, donc, il va vous rappeler, vous prenez rendez-vous et je vous rappelle après, on est d'accord ? Non, s'il vous plaît, n'arrêtez de m'appeler, moi, vous m'avez fatigué, vous m'avez fait mal à la tête. Ouais, bah vous aussi vous m'avez fait mal à la tête, hein. Donc bon, l'enquête. Je vous ai rien demandé, moi. Madame, vous collaborez ou je viens vous arrêter ? Arrêtez-moi ! Ok ? Arrêtez-moi ! Madame, très bien. Nous allons venir chez vous. Et vous allez le regretter. Sachez-le. À tout de suite. À tout de suite, oui. Vous rigolerez moins avec les menottes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Anthony ? Ouais. Elle n'a pas l'air d'y croire depuis la police, là. Hein. C'est chiant, ça. Elle m'énerve. Ah, elle est relou, elle est relou, elle est relou, elle est relou. Oh, faut qu'on trouve autre chose. Ah bah non, on va pas trop recommencer, Anthony. Non, non, mais on va la rappeler. Non, mais tu la rappelles, tu lui coupes une jambe et puis on n'en parle plus, qu'elle ça la fasse bien. Parce que là, pour le moment, elle a un doute. Elle a un doute, elle sait pas la police si elle va venir ou pas. Ouais. Non, mais on fait Don Giovanni qui... Ouais, Don Giovanni qui rappelle. Tu lui coupes la jambe et la police arrive. Ouais, voilà, on fait ça. Ah non, bah non, pas couper la jambe, ça va pas, faut que... Mais c'est pas vrai, Non, on va pas te couper la jambe. Ouais, faut lui dire. Ouais, on va l'appeler, là. Allez, on y va. Oh, quelle connerie. On y va. Allô? Si, bonsoir, est-ce que c'est de nouveau la cousine ou c'est la copine d'Anthony? Marie. Ah, personne. C'est Marie, c'est ça que j'ai entendu derrière, c'est ça? Très bien, vous me remerciez la personne derrière, bah, peu importe. Bon, écoutez, c'est à vous que j'ai eu l'occasion de parler là tout de suite. Allô? Oui. C'est à vous que j'ai eu l'occasion de parler là tout de suite. Allô? Oui. Non mais vous savez dire aux choses que oui ou pas là? C'est toi. Bon, elle se calme ici avant que je m'énerve. Bon, écoutez, j'ai réfléchi, je vais laisser le garçon partir, d'accord? Si demain à midi je n'ai pas des nouvelles, je reviens chez vous, d'accord? Je n'ai pas chez moi. Si je n'ai pas des nouvelles, je les viens chez vous de l'même midi, d'accord? Non. Très bien. Eh bien, nous sommes d'accord. Très bien. Non, on n'est pas d'accord. Je vous le repasse, Anthony. Pendant ce temps-là, je m'occupe de Louis. Hein. Oh, Giovanni, on peut le couper, hein? Je coupe. Je coupe. On arrête de crier comme ça, on dirait nos filles. Hein. Oh là là. Paris, j'ai mal. Ça m'a loupé. Il me coupe la jambe. Arrête, je suis plein de froid. C'est là, c'est le plus dur, là. Anthony, t'es en train de me faire quoi là? Parce que la vérité, moi j'ai des choses importantes dans la tête, donc tes histoires. Ma voix est en double. On a Colombo avec nous là. Oh Marie? Oui. T'es Colombo ou quoi là? Pire que ça. T'es pire que ça, ouais. Ça m'étonne pas, c'est effectivement. Bon, Marie, et Anthony, parce que t'es en direct sur France Radio, évidemment. Anthony. Ouais, tiens, c'est moi. Reprends ta jambe. Attends, parce que, ouais, reprends ta jambe, tu vas nous débarrasser le plancher. comment ça se fait, Marie, que t'as laissé tomber ton... Apparemment, ce qu'il a dit, en tout cas, ton meilleur pote de comme ça dans la merde. Vous imaginez ce que vous me demandez là quand même? Non mais non, parce que lui il me dit ouais non mais on va appeler ma meilleure amie machin, te dit ouais mais j'ai plus de nouvelles depuis 1000 ans. Je connais pas. J'en ai rien à foutre qui crève, qui allait se faire foutre. Ah bah Marie, je vais vous dire la vérité, demain matin j'ai un examen très très très important pour mes études et. Mais c'est rien, attends, c'est quoi les études c'est plus important qu'une la jambe de ton meilleur ami? Je me suis demandé si c'était vrai déjà, à partir d'un moment, j'ai dit, mais on dirait que c'est pas votre accent. Et à partir de là, je me suis dit, c'est impossible, c'est vrai ces histoires. Et connaissant Anthony, je pense pas qu'il se serait mis dans les histoires, donc je suis rentrée un peu dans votre jeu, j'ai quand même eu la... Ouais, c'est ça. Et parce après, que... j'ai entendu votre fille à deux balles, là. Notre quoi? Mais comment ça, ma fille à deux balles? Très bien, ma fille. Est-ce que vous stackez un truc à dire, peut-être? Ah voilà, très bien, il a rien à dire, très bien. Bon. Ça va, Marie? Ben oui, ça va Anthony, attends toi, tu vas voir. Mais t'as vu comment elle l'a lâché, ben ouais. Quoi. Oh là là, j'en reviens. Ouais. J'en reviens toujours une pas qu'elle l'ait lâché comme une merde. Fille, une exactement, fille. Ouais, ça alors. Je connais pas, mais là j'ai pas mis d'euros, ben connais pas. J'ai pas, moi je connais pas. Mec, tuez-le, non, tuez-le. Écoutez, chacun pour soi et Dieu pour toi. Allô, quoi. Non mais. Anthony, arrête un peu avec cette expression là. Comment t'expliquer qu'on est au top du ringardisme là avec le halo? Ah ouais, complètement la tête même. Bon, ben Marie et Anthony, bonne chance pour l'examen de demain, c'est quoi là? Merci, c'est un aura de soutenance pour une licence. Oh, ça va. Vite fait. Bah oui, tu blablates. J'en ai passé deux, moi. Mais ouais, tu blablates un peu et puis ça va très bien, là. Ouais, ouais, ouais. Mais quoi, m'a fait trop rire, m'a écrit quand... avec l'accent roumain, là, ou je sais pas roumain, quoi. Roumain, c'est un accent italien. Un roumain. Un accent roumain, mais manquez plus que ça, tiens, maintenant. Ah bah alors. Bah oui, bon. Bon, bonne soirée. Eh ben, merci beaucoup, vous aussi. Bonne continuation. Bah, je t'en prie, c'est gentil. Ouais, j'ai mieux l'accent ouais. Quand j'ai la musique. Ouais. Mais voilà. Pareil. Ah, c'est un accent italien. J'ai essayé, quoi. Je ne suis pas italien à la base, mais bon. Bon, allez, bonne soirée, les filles. Hein. Ben, j'ai des filles parce qu'Anthony a une voix un peu efféminée. Hein. Salut, vous deux. Bonne soirée. Et je vous mets un petit peu de coup de lance-flamme dans la gueule, là, mon ouais. Accent roumain. Elles sont sérieuses ou pas, là ouais. N'importe quoi, là. Bon, eh ben voilà, si vous voulez, vous aussi, hein, piéger des gens, là, ce soir, encore avant 2h du mat, ou éventuellement la semaine prochaine. Dès dimanche, on sera de retour à partir de 20h sur Fun, et toute la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Il n'y a qu'un seul numéro à appeler, 01 42 48 5000, ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Florian sur le Twitter qui dit, ah, l'état de la meuf, comment elle s'en fout de son earpot. Mais grave, il y a Will aussi. Il y a un nouveau, tiens, salut Will, sur le Twitter qui dit Don Giovanni est magique. Bah oui, ma merci, c'est gentil. Victor aussi qui dit mort de rire, vous êtes des ouf. Et alors la surprise, là, c'est un bazooka tout à l'heure là pour Virginie. Non, on verra. Et Marie aussi qui dit vous me vendez du rêve avec vos accents, sinon qu'il fasse un tri dans ses amis. Hein. C'est... tu m'étonnes, c'est-à-dire qu'il y a un moment, t'imagines, t'appelles ta meilleure amie. C'est la mafia, non, je ne vois pas, je ne connais pas. Je ne connais pas cette Je ne connais pas ce mec. Oui. Vous pouvez lui couper la jambe, ça ne me dérange pas. Bon, Julien qui est de retour là avec sa prof toujours là depuis tout à l'heure. Et nous avons également avec nous, eh bien, où est-il ? C'est Yacine qui est là du Val-de-Marne. Salut Yacine. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Bon, passez une bonne journée aujourd'hui Yacine. Ouais, avec la rentrée, ça se passe. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bon, ça a été la rentrée, hein. T'as récupéré des profs un peu sympas ou pas ? Ouais, on peut dire ça. Physiquement aussi ? Physiquement aussi, ouais. Ah, parfait. Parce que toi, tu voulais réagir à Julien. T'es toujours là, Julien ? Ouais, je suis toujours parfait. Là. Ouais. Julien qui nous avait appelé parce qu'il était chaud après sa prof, il avait chopé le numéro de téléphone. Enfin, il s'est ouais, changé même des... Elle fait que me parler, là. De quoi ? Elle fait que me parler, la prof, depuis tout à l'heure. Là. Non, par quoi ? Par SMS ? Par texto. Ah fort, texto, je fais t'as Ah ouais, bah très bien. Bah, on va quand même prendre l'avis de Yacine. Yacine, toi aussi, t'as des petites vues sur un prof ? Ah non, moi, c'est pas une petite vue, c'est on est passé à l'acte. Hein. Ah ça y est, fort ! Et alors ? Bah, en fait, l'histoire, elle est un petit peu longue. Bah vas-y, on a le temps, là, on est jusqu'à 2h du mat, donc on est tranquille. Oui, bon, en fait, tu vois, genre, j'étais au collège, j'avais à peu près 12 ans, et c'est ma prof d'anglais. Et elle devait déjà avoir, tu vois, 22 ans, elle était assez jeune. Ouais. Et en fait, à partir de là... Genre je l'ai plus à partir de la 6e et de la 5e jusqu'à la terminale, je la revoyais plus. Mais quand je suis parti à la fac, et bah, elle a repris contact avec moi parce qu'en fait, une copine à ma soeur, elle faisait du babysitting pour une copine à elle. Oh là là, attends. Donc y a une copine à ta soeur, j'ai dit, mais oui, ok, ouais. Voilà, et en fait, déjà, elle a vu le nom de famille de ma soeur. Que tu peux en venir à la pénétration. Ouais, et donc ouais, là, elle s'est rappelée ton existence. Voilà, c'est ça. Et en fait, on avait repris contact et elle m'avait envoyé son numéro par Facebook. Et en fait, on avait des amis en commun. Mmh. Et de là, on a pris un apéro chez elle. Et tu l'as pécho ? Non, je ne l'ai pas pécho. En fait, on était cinq garçons. Elle était avec une copine à elle. En fait, il y a un pote à WAM qui l'a... Ouais, on était en train de bédaf, tu vois. Ouais. Et en fait, on a fait bédaf, on a fait teaser, on était tous track. Et au final, bah, elle a fini sur la table, on se l'a fait tourner. Non, le prof oh. Attends, vous avez fait un plan plusieurs avec le prof? Voilà, c'est ça. C'est bon, ça. Ça alors. Ouais, t'emmerde pas les mignons. C'est pas dans mon bail que ça arrivait, ces trucs-là. Ah non, mais pas dans le mien non plus, ça. Hein. Putain. Et depuis, encore des contacts avec le prof ou pas ? Bah non, elle a démissionné. Ah bah oui, tu m'étonnes, oui. Bah oui, vu comme ça, oui. Démissionné ou elle s'est faite tège ? Non, elle a démissionné, elle est partie dans une autre ville, elle est partie à Rouen. D'accord. Oh putain, bah oui, mais forcément, après avoir fait une partouze. Il y a Will sur le Twitter aussi qui dit, moi je me suis tapé ma prof d'espagnol en 3ème, 90D, c'était bon ça, et la trentaine, que dire de plus ? Oh bah rien, hein, je pense que... Non, je pense que j'aurais voulu être à ta place, quoi. Ah bah c'est ça, je pense que là t'étais quand même plutôt bien, effectivement. Bon bah merci Yacine pour la petite histoire, là. Tu vois, finalement, ça peut être pas mal, Julien. Quoique, si t'es vraiment en kiff sur elle, faut pas faire une tournante, hein, mais bon. Voilà. Il y aurait moyen d'avoir un petit pack. Oui, oui, bien sûr. Je te repasse Kelly au standard. On va gérer ça sans problème. Ok, merci. Merci Yacine. Salut, hein, ciao. Ciao Yacine. Ouais. Bon, allez, du coup, tu veux qu'on l'appelle Julien, ta prof là? Ah, franchement, il faut l'appeler là. Bon, bah, écoute, bah, je sache moi. Elle te dit quoi là? Elle te dit quoi par les SMS? Là, elle m'a dit alors bien rentré et tout. On se voit jeudi, on se voit lundi. J'en peux plus et tout. J'en peux plus, je vais serrer. Faut vous l'appeler là. Bah, vas-y, on l'appelle. Bon, bah, on l'appelle après Criouela, d'accord? C'est bon. Bon bah bouge pas de là, dans 3 minutes on l'appelle sur Fun Radio en direct. On est là, il est minuit 39, on est en direct sur Fun, donc tranquille hein, on est là jusqu'à 2h, vous prenez le contrôle, vous appelez le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. On va dans quelques instants aussi récupérer Amandine et Virginie avec l'histoire avec Ludo. J'ai également un petit cadeau normalement pour Virginie. Juste après Criouela maintenant sur Fun Radio, là au cœur de la nuit sans pub. C'est Live for the Night. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limite. Criouela à l'instant sur Fun avec Live for Tonight. Il y a Mohamed qui dit c'est les ouf et Mickaël il adore emmerder le monde, là je kiffe grave. Oui bah t'inquiète, c'est notre passion première. Sandra aussi sur le Facebook qui dit vous êtes trop fort sérieux. Pauvre Marie, là personnellement j'aurais fait le faux cul aussi et j'aurais dit que je le connaissais pas. Bah ouais c'est clair, quand t'as un mafieux à la mille qui t'appelle, tu prends des précautions quoi. Oui, bon on est à la bourre, je devais donner la réponse là pour la colle à minuit et demi. On est juste en retard, dans 5 minutes on fait ça en direct sur Fun Radio. Donc si vous voulez tenter de jouer, bah vous avez encore une dernière occasion. Je rappelle vite fait la colle. Dès que vous m'avez eu, vous voulez me partager, mais dès lors, je ne suis plus qui suis-je. Vous donnez vos réponses maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, vous laissez votre réponse sur la photo où il y a la PlayStation, vous laissez ça en commentaire et on fait un tirage au sort parmi les commentaires dans 5 minutes. Allez-y, donc facebook.com/MIKL officiel. Et puis on va récupérer pour la dernière fois Julien là, qui est avec nous. Là, on l'avait eu au début d'émission. Julien qui était chaud sur sa prof, il s'envoie des SMS, machin, etc. depuis tout à l'heure. Et donc tu veux qu'on l'appelle en direct, c'est ça? Ouais, je le veux. Bon, ouais, bah, chaud, c'est bon. Non, bah écoute, t'as raison. Bon, on y va, c'est parti, Julien. Bah, tu lui parles alors, hein. Ah putain, y a pas moyen que vous fassiez un truc. Ah si, si tu veux, mais tu veux qu'on fasse quoi? Parce que c'est toi qui veux la pêcher ou pas moi? Ah non, je suis d'accord. Ah, enfin, moi, normal. Je veux bien la pêcher si tu veux. Ouais. Mais... ouais, ouais, après, si tu partages, nous, bon, on peut. Bon, écoute, bien sur Nîmes. tu veux, bah, si tu veux. Tu veux qu'on dise quoi au juste? Je sais pas, il faut lui faire. Il faudrait lui dire que. Qu'est-ce qu'elle pense de moi et tout, parce que moi je sais pas trop ce qu'elle pense de moi et tout, parce qu'elle le dit pas trop quoi. Bon d'accord, ok, alors attends, c'est quoi son prénom? C'est quoi son prénom? C'est Sandra. Sandra, d'accord. Mais tu te fais passer pour le pote de Julien. Oui, oui, mais c'est ce que je vais ouais, faire. Voilà. Ouais. Bon bah très bien, Sandra. J'ai un pote qui s'appelle Joff. Il s'appelle comment? Joff. Joff, ouais, mais en même temps elle le connaît pas. Ben c'est un gars de ma classe, donc à la limite. Ah non, ben alors je vais pas dire que c'est Joff parce que sinon elle va griller ma voix éventuellement. Donc non, ce sera Michel comme d'habitude. Oh oui, le célèbre. Le célèbre Michel, ah, pas de problème. Michel. Bon ben je l'appelle maintenant et elle s'appelle comment elle? Sandra. Ouais, c'est ça que tu m'as dit. Est-ce que Pause Caca pourra faire une intervention? Bah évidemment. Pause Caca. Ah bah voilà. Voilà. Bien, bon, on l'appelle Julien, tu restes de côté, d'accord? Vas-y, ça marche. Allez, c'est parti. Ça se trouve, elle va tomber amoureuse de ma voix. Je vais parler avec l'accent comme ça de l'Italie. Je pense que ça peut bien marcher. Allez. Hop. Allô? Allô? Oui. Ouais, bonsoir, c'est Sandra? Oui. Bonsoir Sandra. Et excuse-moi de te déranger, Sita, en fait, je suis un copain de Julien. Oui. Voilà, je m'appelle Michel, en fait, je me présente. Et en fait, j'ai décidé de t'appeler parce que il arrête pas de me parler de toi, tout ça, etc. Et il ose pas, enfin, il y a des trucs qu'il ose pas faire avec toi, il ose pas te parler franchement, quoi. Et donc moi, je lui dis, bah vas-y, fonce. Mais comme il ose pas, j'ai pris les commandes, quoi. Donc j'ai pris ton numéro et bah je voulais vraiment voir avec toi si toi aussi tu ressentais quelque chose, quoi, tu vois, pour lui. Oui, c'est mon élève après. Ah, c'est ton élève? Oui. Ah, d'accord. Ah, oui. Bah, il m'avait pas dit ce détail. Si, oui, donc je risque mon emploi. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, mais. Oui, d'accord, évidemment. Mais t'es en kiff sur lui quand même ou? Oui, il est charmant. Non, mais d'accord, mais moi aussi je suis charmant, mais quand même, est-ce que t'es vraiment. Oui, j'ai vraiment très, très, très charmant. Très, très, très charmant. Ah, ouais, d'accord, ok. Et donc, du coup, ouais, mais forcément, après, avec le boulot, c'est tendu. Oui. Ah bah en gros c'est juste. Ouais, je voulais juste savoir si c'était voilà un one shot entre guillemets ou s'il y avait plus quoi. Bah entre les cours pourquoi pas. Ah d'accord, ok. Non mais bah, ça va, mais c'est ce que je voulais savoir. Hein. C'est juste que voilà, comme il osait pas et tout, je lui dis mais vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre. Et, mais bon, bah, il m'a pas dit que c'était majeur, le prof. Hein, donc, Ah ouais, non, mais clairement. Hein, après, si vous êtes discret, bon, on s'en fout. Hein, personne ne saura. Enfin, a priori. On hein, va être discret. Ouais. Oui, oui, bah j'imagine bien. Ouais. Donc bon bah écoute, je vais essayer de le convaincre de t'appeler. Sinon, appelle-le. Hein. D'accord. Ouais. Bon, déjà, j'ai envoyé des messages, il me répond pas. Ah bon? Bah, il me répond à moitié, enfin. Ouais, mais c'est une couille molle, faut ouais, y aller. Ouais. Bah oui, enfin tu le connais un petit peu, tu sais. C'est un petit jeune, ouais. Voilà, c'est ça, c'est une petite bite, quoi, comme on dit. Hein. Ouais. Enfin bon, après, je sais pas, t'as peut-être pas encore vu, mais bon, tu auras l'occasion de voir et de découvrir peut-être. Mais non, c'est j'ai ça. Observé. Ah, t'as déjà observé? Non, mais tu fais bien, ça l'a dit. Hein. Bon, donc ouais, mais c'est quoi? C'est physique, en fait, que tu l'aimes bien physiquement, c'est ça? Purement, ouais. Ah ouais, d'accord. Et t'es prof de quoi, toi? De commerce. Ah, commerce, d'accord, ok. Ah ouais, bah c'est bien, tu gères bien, là. Mm. Oh, bah, parfait. Bon, bah écoute, bah super, alors, bah écoute, je vais lui dire de remettre le couvert, alors. Ok, super. Bon, bah écoute, avec plaisir, hein, moi, y a pas de problème, c'est parce que je le vois, là, ça fait des jours qu'il me prend la tête avec ça, genre, qu'est-ce que je fais, alors, à chaque fois, il me demande des conseils, je lui dis, et il fait jamais rien. Donc, je me suis dit, bon, bah, cette fois-ci, je prends le taureau par les cornes. Bah, faut tenter sa chance, hein. Bah, écoute, mais c'est ça, voilà, justement, hein, d'ailleurs, si jamais ça se fait pas, tu me dis, hein, parce que comme apparemment, t'as l'air plutôt mignonne. Ok, pas de soucis. On sait jamais, quoi. Je suis partante pour tout. Ah t'es très bien, alors écoute, parfait. Donc si jamais ça va, après je suis un pote à lui, donc je vois ça se fait pas, j'ai pas envie de le griller. Oui, je comprends. Bon, même si physiquement, y a pas photo, bon enfin bon, ça après je te laisserai. Je suis enseignante, alors surtout que ça reste discret. Mais voilà, mais comme moi je suis pas élève, tu vois, ça aurait pu être bien, quoi. Voilà, oui. C'est ça. Donc, Pour l'instant, je vais me concentrer sur Julien. Ouais, non. Ouais, mais voilà, après, au pire, tu demanderas à Julien, tu dis, voilà, écoute, t'as son numéro de téléphone, hein, pote, machin, ou tu lui poques tu piques le numéro, et puis tu m'appelles. Ok. D'accord. Bon, bah, écoute. Non, quand même pas. Non, mais à l'occasion, hein, tu vois, en tout bien tout à l'heure, on boit un verre, et puis bon. Tranquille, quoi. Bon, alors, tu parles à Julien? Bah, ouais, je vais lui dire, ouais, t'inquiète, je vais lui dire, pas de problème. Ok. Bon, bah, merci et bonne soirée, hein. Merci à toi. Salut. Hein. Allez, ciao. Salut, ciao. Oh, elle est plutôt rock'n'roll quand même. Tu voulais niquer mon cou. T'as voulu niquer mon cou. Mais non, mais non, mais non. T'as voulu niquer. Oh, quel âge? Quel âge elle a, Julien? Elle a 25 ans, mais t'as pas niqué mon cou là. Oh, là mais là, non. Mais non, on a juste failli passer dessus, c'est pas pareil. C'est une mytho, c'est qu'ils répondent depuis tout à l'heure en plus, moi. Non, mais elle a dit que tu répondais, mais apparemment, elle te posait des questions, mais tu répondais pas complètement à la question. C'est genre, t'es éludé le bordel, ouais, tu vois. J'essaie d'éviter un peu les questions. Bah voilà. Voilà quoi. Mais tu vois, en fait, directement, je lui ai dit que comme moi j'étais pas élève, c'était plus facile, quoi, il y avait moins de risques. Mais apparemment, ça va, tu lui plais quand même. Mais t'as vu comme elle est un peu. Ah, elle a l'air très sympathique. Ouais. Si un jour tu te sépares, enfin, ou ça t'intéresse plus, n'hésite pas à me rappeler. Hein. Ouais. Nous, non, c'est bon, ça ira, je vais me la faire plusieurs fois et après je vous la. Oh, Julien, moi je croyais que tu l'as kiffé vraiment, en fait, c'est que du cul. Ah, ben, ouais, ma foi, si elle veut du one shot, je vais lui en donner. Non, mais après, voilà, ouais, pourquoi pas, si elle est d'accord là-dedans, pas de soucis, quoi. Bon, bah écoute, bah voilà, comme ça tu sais, hein, Julien. Bah écoute, tu peux faire une petite dédicace, dis-toi. Bah vas-y, allez, une seule personne, hein. Allez, bah, toute ma famille, et mon pote Joss et mon petit cousin. Mon heureusement que j'ai dit une personne, hein, Julien. Non, juste à mon cousin Yohan qui est au Canada. Voilà. Bon, ça marche. Bon, en plus, il doit bien nous écouter au Canada. Là. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le bahut n'est pas au courant. Bien vu! Pas mal! Et du coup, Toff lève la jambe? Voilà! C'est cadeau, c'est pour moi! Voilà, bon, ben Julien, allez, bonne soirée. En plus, c'est bien parce qu'on a gardé le numéro de Sandra des fois que. Hein. On sait jamais, quoi, on sait jamais. Ouais. Bon, ben salut, Julien. Ciao, merci. Allez, ouais, à bientôt, ciao. On va essayer de rappeler la surprise là, de Virginie là, en direct dans un instant. Et puis, on a des prénoms de filles aussi qui terminent par A. Je vous avais demandé, les filles, de nous appeler si vous aviez un prénom qui terminait par A. 01 42 48 5000 si vous voulez nous joindre. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Je vous dis ça parce que je suis tombé sur un espèce de sondage. Attends, on va accueillir déjà Sarah qui est avec nous là. Bonsoir, Sarah. Sarah Croche. Ça brille là, visiblement. Ouh. Elle était belle, celle-là. Caca a tenté une vanne. Il a tenté. Sur le fil du rasoir. Il a tenté la vanne. Bon, c'est pas grave. On va récupérer Sarah dans un instant. En attendant, il y a Arnaud avec nous là maintenant. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Arnaud? Salut. Ça va, vous? Bah écoute, plutôt bien là, plutôt tranquillement. Pépère, on va dire. Minuit 52, on est là jusqu'à 2h du mat. Tranquille, sans pub en plus, c'est cool. Il y a Fanny d'ailleurs sur le Twitter qui dit « Elle a un peu une voix d'enfant, cette prof. » Ouais, mais ça peut avoir son charme. Ça peut avoir son charme. Ça arrive. Il y a Will aussi sur Twitter qui dit « Nouveau depuis ce soir et j'adore cette radio. » Ben merci Will et puis surtout sois le bienvenu. Tu vois, je me disais bien que t'as pas encore envoyé de tweet depuis tout à l'heure. Il y a Ayam aussi sur le Twitter qui dit « J'aimerais bien avoir cette prof sans déconner. » Ah bah ouais, moi j'aurais bien voulu aussi. Hein. Alors là, Marie qui dit « Perso, si j'étais prof et que j'avais des vues sur un élève, je n'en parlerais pas à son pote. Je ne risquerais pas mon job en parlant de ça avec les autres. » Mais bon, ouais, c'est vrai qu'elle a pris un risque, mais bon, en même temps, ça va. Il y a Aral aussi qui dit Aral Aval qui dit « Oh la salope. » Bah non, c'est bah, la 5 ans, on l'aime bien le cul, c'est pas grave. Rémi aussi qui dit elle déchire la prof et Émilie qui dit tu peux passer Bouya après Mika s'il te plaît. Ouais, on va mettre ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Si vous avez des soins à choisir, hein, hashtag Mickaël sur le Twitter, n'hésitez pas. Et en parlant de Twitter également, je vous rappelle bien entendu qu'il y a la possibilité d'être le top tweetos ce soir. En gros, si vous mettez un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël, peu importe si c'est pour participer à l'émission, parler à vos potes ou n'importe quoi, vous mettez le hashtag Mickaël un maximum de fois. Et donc, si vous êtes le top tweetos, si vous avez balancé le plus de messages avec le hashtag Mickaël, eh bien, c'est vous qui serez élu le top tweetos. Tof, est-ce qu'on sait déjà qui est le cinquième? Nous avons 4 nouveaux. Non, ce soir? Oui. Donc il y a 4 qui sont sortis quoi. Voilà, c'est ça. Alors en numéro 5, il y a qui? New IBC. New IBC, donc ils viennent débarquer directement 5ème, c'est bien. Et 4ème, dis-nous. Alors c'est Foptastical. Foptastical, très bien. Bon bah bravo en tout cas, de nouveau qui viennent d'arriver. Et donc si vous voulez battre un Let's Be Freaks qui est numéro 1 depuis 2 jours d'affilée, eh bien à vous de jouer maintenant, c'est pas compliqué. Vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter, on saura à 2h du mat, pardon, à la fin de l'émission, lequel d'entre vous sera le top tweetos du soir. Bon alors Arnaud. Ouais. Ah oui. Bon qu'est-ce qui se passe Arnaud là? Tu nous appelles pourquoi? Ouais, c'était pour vous dire que des fois, je me sentais seul le soir. Oh. SOS d'être amitié. Bonjour, oui, joyeux Noël. Oui, alors qu'est-ce qui vous arrive? Mais comment ça, tu te sens seul le soir, c'est-à-dire? Non, mais c'est quand on est avec des potes, tout ça. Ils sont tous en couple là, puis. Et toi, t'as pas d'amis. Tu veux qu'on te trouve des amis? Je vais appeler pour te trouver des amis si tu veux. Donc, quelle gentillesse, Tof. T'as vu? Cette bonté de perdre. Mais oui. Bon, non, mais c'est ça, en fait, t'as pas d'amis? Non mais c'est pas de... C'est on pas est là pas avoir des... Non mais... On était potes, il y a Pose Caca, il y a Mickaël. Bah oui, Polo. Bien sûr, il est là. Le roi du pipeau. Non, voilà. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'ils sont en couple et tout, puis moi j'ai pas envie de me poser en couple, c'est ça le truc. Ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, on va essayer de trouver des amis dans un instant. Si voilà. Vous voulez être amis éventuellement avec Arnaud, hein, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, 02 851 4x0, il n'y a pas de problème. Arnaud, bouge pas de là, on va essayer de t'en trouver dans un instant des amis, d'accord? Bon bah bouge pas et puis on va se faire maintenant le gagnant là Arnaud. Oui. Allez c'est parti maintenant le gagnant, donc on est déjà en retard comme ça. Le gagnant pour la colle. On devait faire la colle à minuit 30, il est déjà 55, mais bon on a dû jouer au... Bon on a dû jouer au mafieux, on a perdu du temps. Bon allez c'est parti, on appelle maintenant le ou la gagnante, celui ou celle qui s'est inscrite via le Facebook par exemple ou par les SMS, c'était possible aussi sur facebook.com/Mickaël officiel. Ouais. Allô? Hello. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Robin. Robin, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. Sois le bienvenu. Salut. Bon, il y a Arnaud qui a une colle à te poser là. Arnaud? Ouais. Vas-y, fais péter la colle. Alors, dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors, je ne suis plus. Qui suis-je? Alors? Un secret. Un secret? Arnaud? Ouais. Bah ouais, mais maintenant, c'est plus un secret. Ah bah non! Eh bah bravo à toi! Bravo à toi Robin, la console est pour toi du coup, félicitations. Et puis Arnaud, la console est pas pour toi hein. Bah ouais, je peux passer une dédicace s'il te plaît? Allez, t'auras gagné ça quand même, vas-y Arnaud, dis-nous. Alors une dédicace à Linda et à Théo que j'ai connu grâce à vous. Non, bah donc voilà, très bien. Comme quoi on sert à quelque chose. Mais avec oui, plaisir. Bah ouais. Bon bah salut Arnaud. Merci, bonne soirée à toi. Ciao. Et Robin, bah écoute, bravo à toi pour la PS, hein, tu vas retourner chez Kelly au standard, on prend tes coordonnées. Ok, pas de soucis, bah, merci à vous aussi, franchement vous êtes géniaux. Oh bah c'est gentil, salut Robin, bonne soirée. N'oublie pas de prévenir tous tes potes qu'on est là de 23h à 2h sur Fun Radio, hein, d'accord. Pas de soucis, je me ça marche, oh bah nickel. Salut à toi Robin, à bientôt, bye bye. Bon bah voilà, bonne chose de faite, ça la dernière PS3 qui vient de tomber. Et puis il y a message d'Héloïse qui dit des fois je me sens seul, va sur Mythique, c'est une idée. Il y a Mister Steven qui dit avec Mickaël c'est pas possible de se sentir seul, oh, ouais. C'est gentil. Et Joséphine qui dit Mickaël attends à quand le top Festo sur Facebook, ce serait super. Ah pas con, on va essayer de lancer ça, tiens, pourquoi pas, c'est une idée. Le top Portos. Le top, c'est drôle ça, le top non, Portos. Rigole, là, ah c'est drôle ça, allez. Le top Portos. Ah ah. Allez, mets-moi une patate. Avec plaisir. Et j'ai une grosse merde là. Enfin. Ouais, qui me pend au cul, c'est pas ça. Non, non, c'est juste que je sais plus si on l'a déjà mis Crayola ou pas. Oui, je crois que tu viens de le mettre. Je l'ai mis, hein. Ouais. Parce qu'il est là dans la liste et je me dis, merde, est-ce que je l'ai mis ou pas, j'ai oublié. Bon, bah, truc très bien, bah, s'il a déjà été mis, alors on va se faire péter le son de Jennifer Lopez maintenant sur Fun Radio. Allez, aussi avec Pitbull maintenant sur Fun Radio, sans pub, là, on est là jusqu'à 2h du mat. Prévenez tous vos amis, on est là sur Fun Radio, 23h, 2h et le dimanche de 20h à minuit, on écoute Gilo et Live It Up sur Fun, c'est Mickaël No Limit, bienvenue. C'était Fun Radio, c'était Jennifer Lopez sur Fun Radio. C'était Fun Radio, on change de nom demain, terminé. Non, non, c'était Jennifer Lopez avec Pitbull à l'instant, ouais. Sur Fun Radio avec Live It Up. Et puis restez là, je vous cale dans un instant. Yeah. Le son de Showtech avec Booyah. Ouais, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, ça. Et puis je vous cale aussi un son qu'on demande beaucoup. Le son de Martin Garrix. Oula, ça gueule. Le son de Martin Garrix à l'instant avec Animals. Il y a la version d'ailleurs de Martin Garrix avec Animals qui se trouve sur le Facebook de l'émission. Version moins moche et méchant. Voilà, version avec les mignons. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, eh bien, direction maintenant donc le Facebook de l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel. Faites tous les partages, tout ça pour prévenir tous vos amis, évidemment. Il y a Damien aussi d'ailleurs sur le Facebook qui dit pose caca à tout. Toujours une blague de merde. Et oui, effectivement, Pause Caca est là. Bien entendu, comme d'habitude et comme chaque soir, il y a Gaylord aussi qui dit hello Mickaël, dis-moi tu prends quoi pour faire un mojito, je compte te ramener un petit rhum, dis-moi lequel je le ramène dimanche. Ah oh, bah Gaylord, rhum brun, brun et blanc, ouais, juste blanc ou alors brun et blanc, mais pas juste brun, sinon c'est dégueulasse. Donc voilà. Je se refaire faire son bar. Bah non mais il propose Gaylord, alors moi je lui dis ce que je mets dans les mojitos d'habitude. Sandra aussi qui dit à cause de vous, j'arrive pas à décrocher de mes écouteurs, alors que demain je me lève pour les cours. Je vais vous tuer. Ah bah non, on va pas on nous y tuer. Un peu pour rien. C'est ça, on n'y peut rien nous. Bon, et un message aussi d'Héloïse qui dit c'est un peu un lieu de tomber dans les pommes juste pour l'odeur. Enfin, chacun est comme il est. Ah oui, ça c'était pour tout à l'heure au niveau du fait de tomber dans les pommes ou pas. Bon, nous allons récupérer Arnaud là maintenant. Arnaud, t'es là ? Oui, oui. Bon, très bien. Et Virginie ? Oui. Oui. Virginie ? Oui. Je te présente Arnaud, il se sent seul. Oh. Arnaud ? Ouais, ouais. Je te présente Virginie. Enchanté. Virginie ? Oui, je suis là, je suis là. Alors, t'es sourde ou quoi ? Ouais. Non, non, je suis pas sourde, non. Bah, je te présente Arnaud, là. Ouais, mais je vous vois déjà venir, alors laissez tomber. Bah, pourquoi ? Bah, parce qu'il y aura pas moyen. Mais il y a pas moyen de quoi ? On te le présente. Je te présente un ami. Oui, mais de tirer les numéros de portable du dos. Mais ça n'a rien à voir. Mais attends, mais tu sais que parano. Tu sais que je n'ai même pas eu cette pensée. Mais bien sûr, c'est mais ça. Je t'assure. Mais bien sûr. Mais attends, tu me fais confiance. Certainement pas. Bon, enfin. Ah donc, bon, Virginie, tu parles où, là, dans un tube ? Non, je ne parle pas. Non. T'as ouais. Le kit main libre ? Non, elle est dans ses chiottes, ouais. Certainement pas. Ouais, t'as un kit main libre, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on t'entend mal. T'as besoin de tes deux mains, t'es en train de te toucher ? N'importe quoi, franchement. Je sais pas, je demande. Amandine ? Ouais, oui. Elle se touche ou pas là ? Non, du tout. C'est plutôt à elle que je demandais la question. Pourquoi ? La musique profonde, c'est pas moi, c'est elle. Ah d'accord. Et Virginie, on comprend rien quand tu parles avec ton kit manip dégueulasse là. T'as un kit manip pourri, Virginie. Là, vous m'entendez mieux ? Ah, là, on t'entend mieux, ouais. Ah, voilà, comme ça, tu vas pouvoir nous insulter, on comprendra tout, c'est mieux, là. Bon, bah, Virginie ? Non, pourquoi ? Oui. Bah, donne-moi le numéro de téléphone de Lio. Mais vous rêvez ou quoi, là ? Noël, c'est pas tout de suite, hein. Donne-moi le téléphone de Ludo. On est dans ton rêve, là. C'est quoi, bien faire un cauchemar, ouais. Donne-moi le téléphone de Ludo ! Sinon, je serais obligé de demander à Tof de lever sa jambe. Oh non, s'il te plaît! On s'en fout nos dents de grand putain! On sent son odeur jusque dans le nord, putain. On sent son odeur jusque dans le nord. Ah, ça va mieux là. Bon, Arnaud, malheureusement, elle ne veut pas de toi. Je pense que tu as tout gagné pour le coup. Hein. Ah merde. Mais c'est pas grave, ouais. je vais appeler. Je peux lui laisser mon numéro de portable s'il le souhaite. Waouh. Virginie est chaude comme la braise. Arnaud, ça t'intéresse le numéro de portable de Virginie? Ouais, vas-y. Ouais. Oh, le mec n'a peur de rien. Oh putain, toi t'es vraiment en chien. Toi t'es un vrai kamikaze. Hein. Ah ouais. Ouais. Attends, un vrai militaire. Bon, on va te le filer, Arnaud. Hein. Il a dit qu'il cherchait des amis. Hein. Il a pas dit qu'il cherchait un plan cul. Hein. Bon, alors attends, on va essayer de te trouver les amis, Arnaud, là. Bouge pas. Hein. Vas-y. Bon, allez, on appelle maintenant. Tof, t'es prêt ou pas? Ouais, moi je suis toujours prêt. Oh bah, t'emballes pas non plus. Hein. Bon, allez, c'est parti, on y va. Attends, restez là, tout le monde. Hein. Arnaud, Amandine, Virginie. Pas de soucis. Pas de soucis avec la voix d'homme. Avec la voix d'homme. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui. Oui, voilà, en fait, je t'appelle parce que je suis avec mon pote Arnaud, là. Oui. Et en fait, il se fait un peu chier en ce moment, et donc je voulais savoir si tu pouvais pas t'occuper un peu de lui. Ouais, ferme ta gueule, connard. Vas-y, parle. Ah, bah vas-y, viens, je te démonte ta gueule. On peut venir, alors. Ta gueule, enculé, vas-y, viens. Bah, j'ai un gamin, moi, qui dort, et une femme. D'accord, mais je vois pas le rapport, là, je cherche des amis pour mon ami Arnaud. Mais j'en ai rien à foutre de ton pote. T'es d'où là? T'es de Granville, non? T'es de par ici? Bah ouais, je suis d'à côté. Ouais, bah ferme ta gueule, ok? Moi j'ai un gamin qui dort, j'ai un gamin qui a de l'école demain. Bah, d'accord, mais enfin je vois pas le rapport avec mon ami Arnaud. Tu fermes ta gueule et tu sais, je te monte ta gueule moi, ok? Oui, mais pourquoi toute cette violence alors que moi je cherche de l'amitié? Ah bah il est parti. Il cherche de l'amitié, ouais. Bon, on aurait dit... Eh putain, Virginie, tu devrais bien t'entendre avec lui, hein. Il arrête pas d'insulter tout le monde, le mec. S'il vous plaît, je suis pas une personne qui est de nature vulgaire, ça c'est, non, c'est non, pas non. Vrai. Ah bon, et bah... Quand on me fait sortir de mes gongs, alors de là, mes gongs. On va retardement. Voilà. D'accord. Bon, attends, demandez à Amandine. On va le rappeler, le gars. On va le rappeler, attends une seconde. Allez hop, c'est reparti. On le rappelle de nouveau, on va donc chez apparemment le mec de Virginie. Quel mec? Ah, je sais pas. Apparemment il insulte aussi facilement que toi. Allô? Oui, bonsoir, j'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben en fait voilà, j'étais avec mon pote Arnaud là, il cherche des gens avec qui il pourrait passer un peu de temps et tout, parce qu'il se fait un peu chier. Et voilà, votre mari avait l'air plutôt chaud pour qu'on organise une petite rencontre. Donc la prochaine fois, au lieu de faire le gros faux cul de vous mettre en secret, mettez votre prénom. Ben, moi, mettez le numéro de téléphone aussi, ça serait bien. Ben, moi je m'appelle Tof et mon pote c'est Arnaud. Non mais c'est bien beau de dire pause à nous. Bah oui, mais vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Bah votre nom de famille, comme ça qu'on puisse déposer une petite plainte auprès de vous. Bah, ça serait peut-être bien. Ouais, pourquoi vous voulez déposer plainte? Moi je vous appelle pour un petit peu d'amitié et vous voulez porter plainte. Ah bon, vous faites chier, vous appelez les gens à cette heure-là, vous? Bah oui. Ah ouais, bah c'est bien. Bah appelez quelqu'un d'autre si ça vous occupe. Bah ouais, mais enfin vous êtes pas sympa. Hein. Ah non, elle était pas sympa. Hein. Ah non, franchement. Ah Virginie. Oui. Elle était pas sympa, hein. Bah faut la comprendre aussi, hein. C'est l'avocate de tous les mecs, tous ceux qui insultent tout le monde, c'est l'avocate. Tiens, il y a un message qui dit, il n'y a pas un petit coup de marteau piqueur là? Bah si. Oh non. Mais si. Et tu sais quoi Virginie? Non. Apparemment, il y a Polo, il veut te faire une surprise. Si. Polo, c'est moi. Dans l'émission, il veut te faire une surprise. Le talent à l'état pur. Ouais, c'est le musicien. Le charme, la beauté. Écoute, c'est pour toi parce qu'il est comme moi, il est in love. Il va sortir. Écoute, c'est pour toi. 3, 4. Voilà, cadeau, c'est cadeau. Voilà. Alors, t'es tombée amoureuse ou pas? Est-ce que tu es sortie de tes gongs? T'es sortie ou pas? T'es dans tes gongs, là? Elle est dans les gongs. Bon, Amandine et Virginie. Ouais. Bon bah du coup on va appeler Ludo alors. Ouais. Bon, bah oui. Bon bah alors. C'est son fils, bien sûr. On rappelle encore une fois, on verra bien. Hein. Sait-on jamais. Vous allez me dire le mot jamais. Allô. Allô. Allô. Ouais, allô, Ludo. Ouais. Ouais. Je suis pas on t'appelle avec Virginie et Amandine là parce que elles m'ont dit voilà que Virginie était en kiff sur toi et qu'Amandine aussi. Il paraît que c'est peut-être possible de faire un. Enfin voilà. C'est qui Virginie? Bah Virginie c'est une meuf a priori que tu connais. Je connais pas moi. Virginie parle à Ludo. C'est pas Ludo alors arrêtez. Allô? C'est pas Ludo alors ne la faites pas l'envers. Allô? Virginie parle à Ludo là. C'est Ludo là Virginie. Je suis où là? T'es à la radio, t'es sur Fun. Sur Fun Radio. Quoi? Ouais c'était sur Fun Radio et il y a Virginie et Amandine, elle voulait faire un plan à 3 avec toi. Vas-y, je peux faire une dédicace? Attends, je peux faire une dédicace Amandine ou pas? Non, fais d'abord un plan à 3. Oui. Ok. Ah c'est Amandine, non, c'est non, ça? Non, c'est pas Ludo. Bah si, c'est Ludo, je m'appelle Ludo. Non, c'est pas Ludo, je reconnaîtrais sa voix. Ou alors, en plus, c'est les carvés, alors je reconnaîtrais sa voix. Comment ça, c'est pas ma voix, là? Évidemment que c'est ma voix, là. Non, parce que Ludo, c'est pas la tienne, je reconnaîtrais sa voix direct. Moi, en tout cas, on ne tirera pas les verres du nez pour avoir ton numéro de portable, ça, c'est clair. Bah, pourquoi tu veux que je te tire les verres du nez pour avoir mon numéro? T'es con, quoi? Ouais, vas-y, remballe-toi, vas-y. Attends, mais je comprends pas là. Pourquoi tu me parles comme ça? Hein? Vas-y. Pourquoi tu me parles comme ça? Bien. Ah, bah. Ludo? Ouais? N'importe quoi. Elle veut faire un plan à 3. Ok, ouais, et non. Elle mais... dans ses gongs là, je sais pas, tu veux pas la faire sortir si seulement si elle prend ses gongs alors ouais. Elle a ses gongs et elle veut que tu lui fasses sortir les verres du nez. Ok, bah alors si elle prend les verres, moi je prends les verres, elle prend le nez. Hein. Voilà. Ok. Virginie? Ok. Il est bouillant là. Allez, ouais, il est bouillant, faut pas le lâcher là. Allez, vas-y. Je vais jouer. Il faut battre la cruche pendant qu'elle est encore chaude. Bah dans son cas, c'est avant qu'elle soit vide. Bon, ben bah voilà, bah on a eu Ludo, hein, c'est parfait. Ouais. N'importe quoi. Non, mais attends, Virginie. Est-ce qu'on peut avoir le numéro? C'est Polo qui te parle. Le charme à l'état pur, le romantisme, je suis un écrivain. Le poète. Je vais écrire un poème. Est-ce que je peux avoir ma machine à écrire, s'il vous plaît? Attendez. Oui. Les cordons, Virginie, quand la nuit, j'ai envie de faire pipi. Amandine, elle voit. Oh, Virginie. Mais quoi, Virginie? Toi qui viens du Nord, tu ressembles à un peu. C'est violon, là. Les cordes de violon, ça pète plus longtemps. Eh, t'entends le poème que je suis en train de t'écrire, là? Tu peux continuer à écrire, je m'en bats les... En bas quoi? Moi, Virginie, je m'en bats les... Tu couilles? Viens, on va manger des nouilles. Bon, Virginie, tu peux... C'est pas Virginie, déjà de 1. Non, je sais que tu t'appelles pas Virginie. Je me doute bien. Virginie. C'est bon, ça. Je dis Virginie. C'est plus Mimi qu'on m'appelle Nini. Virginie. Nini, entre nous. C'est trop... Allez. Nini. Espèce d'enfoiré, moi. Bon, Nini. Allez. Écoute, tu sais ce qu'on fait? On te repasse au standard, tu le files en loose dé. Personne ne sait. Hein? Voilà. Tu le files au standard, personne ne sait que c'est toi. Nah ouais, bien sûr. Nique ta mère. Oh, c'est pas vrai. Nique ta mère, t'as compris? C'est bon maintenant? Tu me dégoûtes. Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant? Oh là là. Bon Virginie. Ouais. Bon allez, on te rappelle, on va essayer, on garde le numéro du nom, on va essayer de l'appeler, il va pas laisser son téléphone débranché à de vitam aeternam. Hein. Comment on passe... dire, j'ai un message à passer, c'est de ma part, non mais là c'est sérieusement, c'est de ma part, c'est justement pour Amandine et son petit ami Lorenzo. Ouais. Comment dirais-je? Il y a du lourd là, attendez. Vas-y. Oh non, mais c'est sérieux, hein. C'est pas de la rigolade, hein. Non. Ah bah vous en parlez de toute façon après, alors... Ah bah ça va, alors. Ouais, bah vas-y, parle, Amandine, vas-y, parle, hein. Après, je suis pas ton écrivain, je suis pas ton... C'est moi l'écrivain. Lâche-toi, Amandine, lâche-toi. C'est le bon moment. Même là, je suis sûr que Virginie... Bah sur ta déclaration que t'avais l'intention de faire à Lorenzo. Non, j'ai pas de déclaration à faire, Virginie. Menteuse. Bah non, moi j'ai pas de déclaration à faire. Tu changes complètement de comportement, Amandine. Tu changes carrément de comportement. Virginie. Oui, j'aime Lorenzo et alors. Oh, bah, la bah, on l'appelle. Eh ben on va l'appeler. Bon, donne-nous le numéro de Lorenzo. Son numéro à la Il n'y a pas de souci, je vous le donne. D'accord, mais alors Virginie, on l'appelle uniquement si on peut avoir le numéro de Ludo. Ah non, moi je fais ça pour Amandine, c'est pour faire sa déclaration devant je sais combien de personnes, monsieur. Bah devant toi et moi, quoi, nous. Ouais, bien sûr. Non. Mais c'est pour ça, personne n'écoute, donne-nous le numéro de Ludo. Non. Mais il n'y a personne qui écoute. C'est ça pour Amandine. Non, ouais. Il y a personne. Oui, bien sûr. Mais je te dis qu'il n'y a personne. S'il vous plaît, faites passer Amandine avec sa déclaration qu'elle attend depuis. Depuis ? Hein ? Et qu'elle attend depuis quoi ? Bah, elle attend de passer à l'antenne pour faire une déclaration à son âme, voilà. Non, c'est... arrête Virginie, tu vas loin là, quand même, bah, t'abuses. Bah non, c'est pas loin. Bah si Virginie, tu vas trop loin, je m'avais cru, ne regarde pas aux gens. Tout à l'heure, tu étais en train de pleurer, Amandine. Faut dire mais Virginie, ça me concerne que moi, arrête de raconter ma vie aux gens. Bah non, je raconte pas ta vie. Oh les deux dingues là. Pourquoi les deux tu là. Tu pleurais parce que tu l'aimes, ton homme. Bon. Et tu ne sais pas comment lui poser. On va les laisser par leur antenne. Hein. Ouais, on est off là. C'est le bon moment. Virginie, je suis pas en couple avec toi. Tu peux nous faire un café là ? On va laisser parler. Et ça parle, ça continue à parler. Bon ben nous on va se mettre Martin Garrix en attendant. Morning Garrix tout de suite sur Fun Radio. Ça se passe tout de suite là. C'est parti au cœur de la nuit sans pub avec Animals. Dans un instant on va parler des filles avec un prénom qui termine par A. Et puis on n'a pas eu le temps du coup de gérer avec les films de cul là. Bon ben on va faire ça maintenant. Hein. Ah la cool, et puis sinon on aura dimanche soir, on a 4h dimanche soir là. On est tranquille, 20h minuit, prévenez vos potes d'ailleurs, on sera en direct sur Fun Radio. Martin Garrix à l'instant sur Fun Radio avec Animals, et oui, The Accent et tout, c'est tout, c'est beau, c'est la magnificence, c'est la classe. Bon, alors, je vous rappelle également qu'il y a un petit clip de 7 secondes avec les mignons, là, avec Moi Moche et Méchant, qui se trouve sur le Facebook de l'émission. Oui, c'est avec Martin Garrix, en fait, il y a la musique de Martin Garrix, et puis après, il y a les mignons, il y a Moi Moche et Méchant, et tout ça, c'est le top, quoi. C'est débile. Non, c'est pas débile, c'est le top, justement, voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, la vidéo est là, vous pouvez la partager, évidemment. Facebook.com/MickaelOfficiel. Venez d'ailleurs nous rejoindre évidemment. Passez le message à tous vos amis là, puisque c'est la rentrée là. Passez le message à tous vos amis qui viennent nous rejoindre sur le Facebook. Vous tapez MickaelOfficiel. Pareil également, vous êtes de plus en plus nombreux, mais quand même sur le Twitter de l'émission, vous tapez Mickaël_officiel. Vous nous faites un follow et si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également. Donc on vous attend. Voilà, avec plaisir. Mickaël_officiel. J'attends tous vos messages avec impatience. Et puis il y a aussi le son de Motonet tout à l'heure. Motonez avec Snow White. Et puis on aura aussi le son de Carolina Marquez, Sing La La La. Et puis on a trouvé le son qu'un auditeur nous a demandé là, le Major Lazer. C'est ça, hein, Major Lazer avec Can Hold Us. Oui. Très bien, alors une seconde, parce qu'il faut que il va falloir le mettre aussi, le son, parce que oui, alors je vous explique, on sort ça d'un... Comme on l'avait pas en direct à la radio, on a dû faire une espèce de petite magouille pour finir par l'avoir, et donc on l'a. Voilà, alors attention, on y va, c'est quoi le dos ? C'est ça. Ah ouais, c'était le remix qu'il voulait de Macklemore et de... par Major Lazer, Can Hold Us. Exactement. Ah, sympa, ouais. Bah tu vois, comme quoi je connaissais pas. Ah ouais, sympa, on le mettra tout à l'heure le son. Tiens, merci à celui qui nous a fait découvrir. Je me souviens plus de ton nom, mais en tout cas on va le mettre. Qui avait dit, ah non, si c'était Young Boys, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est lui qui avait demandé le son, on le mettra tout à l'heure avec plaisir. Et donc merci à toi, comme quoi, hein, si vous avez des sons à proposer, hashtag Mickaël tout simplement sur le Twitter de l'émission. Et puis on fera, on les passe tout à l'heure avant la fin de l'émission sans problème. Alors, nous allons accueillir maintenant, avant de récupérer Arnaud pour trouver des amis, là, on a Clara, on a Sarah, on l'a perdu, et on a Marie Sia également. Bonsoir les filles. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment ça va les filles avec un prénom qui termine par A ? Ça va très bien. Bon, très bien. Alors moi je vous appelle, enfin vous m'avez appelé mais je vous prends l'antenne parce qu'on est tombé sur une étude. Vous l'avez vu l'étude ? Oui. Qui parle derrière au fond là ? Non, c'est bon, désolé, c'était Lorelai qui parlait. Ah, Lorelai, d'accord, ok. Waouh. Wow, okay. Et donc, est-ce que vous avez vu cette étude? Non. Alors je vais vous en parler. Et donc apparemment, les meufs qui ont un prénom qui termine par A seraient des chaudes du cul. Ah ouais, non. C'est vrai. Une seconde. Oui. Parce que justement, donc c'est selon Smart Date, voilà, oui. Donc c'est un truc d'étude. Les Laura ont en moyenne 9,7 partenaires, alors que par exemple les Thérèse n'en ont que 1,1. Oui, mais en même temps, Thérèse, ça n'aide pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si une femme déclarait en moyenne 4,4 partenaires sexuels au cours de sa vie en 2007, par exemple, eh ben, celles qui ont un prénom qui termine par A dépassent la moyenne et arrivent à quasiment 10. Et donc, les Laura ont en moyenne 9,7 partenaires, les Tania 9,6, les Lola 9,5, et puis les Thérèse, hein, qui c'est 1,1 par exemple, les Françoise 1,2, les Marine 1,3. Et donc, je voulais vérifier ce sondage-là, justement. Tiens, Maricia. Maricia. Oui, oui. T'as déjà eu combien d'amants, toi, depuis ta carrière? pas beaucoup. Combien, à peu près? Vraiment. Si tu réfléchis autant, c'est qu'il y en a beaucoup, quand même. Hein. À la louche. Allez, au grosso modo, quoi. 6. 6, ah, quand même, hein, c'est pas mal. Et toi, Clara? On va dire 4 ou 5. Ouais, c'est mais tu n'as que 21 ans. Ah oui. Tu n'as que 21 ans alors que Maricia en a 37. Donc Clara, ça veut dire que techniquement, tu devrais arriver à dépasser la dizaine. Hein. Minimum. Bah, minimum, évidemment, ouais. Donc, attends, on a récupéré aussi Sarah qui est avec nous là. Salut Sarah de Fontainebleau. Salut. Comment ça va, Fontainebleau? Ça va, il fait beau comme chez vous, je suppose. Ah oui, oui, enfin, là, il fait noir, mais bon, effectivement, là, ces derniers jours, il a fait beau, effectivement. Bon, dis-moi, Sarah, combien t'as eu de partenaires, toi, depuis le début de ta carrière sexuelle? Je ne les ai pas comptés. Non, mais grosso modo, hein. J'en sais rien, moi. Il y en a tellement. Non, je sais pas, moi, Ali, on va dire, même pas une dizaine. Même pas une dizaine. Donc elle a quand même eu 9 quoi. Ouais. C'est gentil, ouais. C'est gentil pour les mecs. Ouais. 9. Arrondissant à 8 quoi. Ouais. 8, 9. Ouais, on va. Eh ben voilà, pile poil, ça rentre dans mon sondage, effectivement. Donc les meufs qui ont un prénom qui termine par A, pardon, se sont tapés en moyenne 9,5 mecs dans leur carrière. C'est pas mal. Dites-nous les filles, tiens, hashtag et Mickaël, vous nous dites. Et puis on va se le mettre. On va savoir ça tout à l'heure. Et Lorelai là. Et ouais, ah bah alors, Lorelai. Oui. Et toi, combien de mecs? Quelques-uns. Non, mais combien? 200. 4-5, et t'as quel âge, Lorelai? 17 ans. 17 ans. Ah ouais, ouais t'es... Donc toi, par contre... Donc visiblement, les meufs avec un prénom qui termine par I démontrent celles qui terminent par A. Ah oui, les Lorelai, c'est des tueuses. Hein. Apparemment, ouais. Bon, dites-nous combien de mecs vous êtes déjà tapés, les filles. Maintenant, donc soit par SMS au 64-900, vous débutez le message par Mickaël, soit sur pour la Belgique au 30-44, ou alors vous mettez ça sur le hashtag Mickaël, tout simplement sur Facebook et Twitter, d'un combien de mecs vous êtes déjà tapés. Vous mettez votre prénom également, hein, comme ça on saura si ça se termine par A, par E, par I, par bref, n'importe quoi. Et du coup, bah, comme ça au moins, on pourra faire notre propre sondage. Bon, ben merci Sarah, merci Maricia. Bonne soirée. Merci, bonne journée. Oui, à bientôt les filles. À bientôt. Salut. Et donc apparemment nous avons Clara et Lorelai qui seraient éventuellement intéressées par Arnaud, qui lui cherche des amis. On voudrait devenir son ami. Attendez, parce que d'abord. On a pris pitié de lui. Avant de vous présenter, avant de vous présenter un de nos auditeurs. Pousse caca. Il est temps. Pousse caca va faire effectivement le tour du propriétaire. Alors Clara, combien mesures-tu? Qui ça? Clara, on fera Clara, 1m70. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui Arnaud, ça va, on te présente directement du haut de gamme hein. Alors, Lorelai? Ah moi je fais 1m60. Alors 1m60. Je fais 53 kilos. Ah oui, il y en a moins. C'est pas mal. Il y en a moins pour la même distance. Je fais du 90. Ah oui, oui, oui. Ah. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui, double haut de gamme, Arnaud. Hein. Comment t'expliquer que là, on te présente pas n'importe quoi hein. On va trouver du lourd, là. Ah, va falloir assurer, hein. Arnaud, je te présente Clara, Lorelai, Arnaud. Moi, je veux bien Lorelai, si je sais pas quoi faire. Ouais, moi, je prends Clara, ça me dérange pas. Mais alors, il y a Arnaud, il se retrouve tout seul au début. Ah oui, pardon. Bon, Arnaud. Ouais. Mais je comprends pourquoi tu trouves pas de meuf, ça fait trois meufs que je te présente, trois fois tu. Il fuit. Ah non, non. T'as de la meuf, vas-y, fais. Mmh. Tu préfères les mecs? Ah non, non, non, non, non, non. Non, mais je sais pas, je demande, hein, on sait jamais. Ah non, Clara Lorelai, on lève pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, bah vas-y, parle un peu plus fort déjà, Arnaud, on t'entend mal. Ouais, faudrait qu'il parle un peu plus fort, hein. On l'entend pas très bien. Hein. On dirait qu'il est timide un peu. Comment elle le met mal à l'aise direct, quoi. Moi j'adore non, les filles comme franchement, ça. Ouais, par rapport à Virginie, ça devrait être méchant. Ouais. Virginie. Ouais. Ah, elle est toujours là, très bien. Bon. Toujours là, ouais. Arnaud. Ouais. Mais on balle, enchaîne avec les filles là. Vas-y. Bon, Lorelai, vite fait, Polo, P-O-L-O, atfunradio.fr. Oh, qu'est-ce qu'il est relou. N'hésite pas. Ouais, c'est ça. Clara, vite fait, Tof, T-O-P-H, atfunradio.fr. Non, c'est bon, c'est fini, ouais. Ouais, c'est Ponsiaka, atfunradio.fr. T-O-P-H, atfunradio.fr. P-A-U-S-E. Ok, on a retenu. Merci, Clara. Bon, donc du coup, Arnaud. Ouais. Tu veux que je te mette une musique là pour y aller? Vas-y. Bon, allez, vas-y. C'est-à-dire que déjà il parlait pas fort sur la musique à ce niveau-là, on entendra plus. Hein. Eh ben il va pas. Non mais Arnaud, mais t'es sérieux là. On a perdu Arnaud. Mais non, il est là. Et Arnaud. Pas d'aspiration quand je suis porté des poignets. Bon, je te mets l'autre musique, attends. Ah non, mais laisse tomber, c'est encore plus déprimant. Là. Bah oh, mais déprimant, mais il faut savoir. Bon, attends, je t'en mets autre chose alors. Non mais attends, t'as deux meufs là et toi tu fais rien. T'as deux bombasses mec et tu passes à côté Arnaud là. T'as rien non, à faire. Y a moyen de pêcher des nudes ou pas? On comprend pourquoi il a pas d'amis hein. Attends mais Arnaud, attends, il y a un truc. Attends. Donc c'est-à-dire que Arnaud, tu as la chance que je puisse te présenter deux meufs qui visiblement sont bien sous tout rapport. Il y a Virginie. Il y a Virginie aussi. Et toi tu me dis, il y a moyen d'avoir des numéros? Bah ouais. Enfin, elles sont là. Elles sont là, Arnaud. Il veut même pas nous parler. Il veut même pas nous parler. Ouais, faudrait que tu parles un peu. Commenter, toi. Hein? Commenter, toi. Tu ressembles à quoi? Parce que Lorelai, on l'entend, mais on dirait qu'elle a. Elle est sur un autre continent là, tellement c'est loin. Ouais. Bah moi, je fais 1m85. Ouais. Je fais 72 kilos. Ouais. Je suis brun. Ouais. Les yeux marrons. Ouais. Puis sinon voilà quoi. Et puis bon voilà quoi. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Non, on s'en fout. Il y a Victor sur Twitter qui dit Arnaud il est un peu mou là quand même, il a de la meuf et il fait rien. C'est-à-dire que les mecs ils sont comme des oufs parce qu'ils voudraient tous être à ta place. Ah ouais. Siegfried qui dit allez Arnaud, Youngblood qui dit mais putain vite les chez toi mec, qu'est-ce t'attends? Il y a Abby aussi qui dit non mais attends Arnaud on s'en fout les musiques, là t'as deux bombasses à la radio et tu t'en fous. Il y a Mister Steven qui dit la voix de Virginie c'est du lourd. Ah oui c'est sûr. Et Angelusion aussi qui dit Arnaud c'est un bidon. Bah oui mec, attends là, t'as deux mec. T'as deux meufs 90C. Enfin, je sais pas que je n'ai reconnu que ça les filles, hein, mais presque. Et rien. Déception totale. C'est la folie quand même. Ouais, alors, bon, Arnaud. Ouais. Arnaud. Reste avec nous. On va encore une fois essayer d'appeler quand même quelqu'un pour essayer de peut-être te décoincer un peu. Je sais pas. On va essayer. D'accord? Vas-y. Bon, allez, bouge, Ptov. Oui. C'est bon, on y va? Oui, enfin bon, je suis un peu embêté de le présenter quand même. Oui, mais enfin, ça va aller, Arnaud, tu vas pas nous faire honte, hein? Pousse caca. Ah non, non, mais... Bon, allez, on y va. Mais... Attends, c'est parti, on y va. Allez. Bougez pas, les filles, hein? Non, reste là. Très bien. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, allô, en fait, je t'appelle parce que je suis avec mon pote Arnaud, là. Tu connais Arnaud? Qui c'est? Bah c'est mon pote. Ah mais t'es qui toi? Moi c'est Tof. Et en fait on voulait savoir parce que mon pote Arnaud il se fait un peu chier en ce moment. Et du coup voilà il cherche des nouvelles personnes à rencontrer avec qui il pourrait passer du temps. Et je me disais que toi ce serait peut-être bien. Mais attends mais t'es qui? Moi je te connais pas moi. Ah non on se connaît pas non. Mais c'est parce qu'en fait j'essaie de trouver des amis à mon pote Arnaud. Tu voudrais trouver des amis à ton pote Arnaud? Ouais, bah, et tu me téléphones à moi? Non mais tu me prends pourquoi là? Bah pour un mec qui pourrait être l'ami de mon pote Arnaud. Attends mais moi je suis pas pédé moi. Non mais t'es pas obligé de coucher avec, vous pouvez juste, je sais pas, moi jouer aux cartes, regarder la télé ensemble, enfin, t'sais des trucs de non, mec. Non mais t'habites où là? Bah pas loin de chez toi, donc c'est pour ça que je m'étais permis un peu de t'appeler quoi. Mais attends, c'est comment ton nom, toi? Moi, c'est Toff. Et mon pote, c'est Arnaud. Toff, ton nom? Toff comment? Bah, Toff comme Toff. Toff comme Toff? Non, mais attends, tu me prends pour un con, là? Bah, pas du tout! Moi j'essaie de te faire, voilà, j'essaie de mettre un peu des gens en relation pour créer des nouvelles amitiés. Et comme je vois que mon pote Arnaud il se fait un peu chier en ce moment, je me dis que peut-être à deux. Ah bah, ton pote Arnaud il se fait un peu chier, mais attends, mais moi je suis pas là pour résoudre les problèmes des autres, moi. Mais y a pas la question de résoudre des problèmes, c'est juste vous, voilà, vous faites connaissance. Bah, il s'ennuie, moi j'y peux rien, moi. Hein, vous allez à la pêche ensemble, je sais pas, moi. À la pêche ensemble? Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Bah non, peut-être pas à la pêche, mais je sais pas moi, jouer aux boules. Jouer aux boules? Bah ouais, une petite pétanque. Non mais attends, là tu délires là. Bah non, je délire pas, moi j'essaie juste de trouver un mec sympa pour, voilà. Oui, pour... oui, je suis peut-être un mec sympa, mais je suis pas un mec à accepter le monde comme ça chez moi. Bah vous êtes pas obligé la première fois de vous rencontrer chez toi, vous faites ça au bar du coin. Au bar du coin, oui c'est ça, oui, t'as raison, oui. Tu lui payes une tournée et puis on en parle plus. Ouais, c'est ça, mais bien sûr, et ma main sur ta gueule aussi. Ah bah non, on cherche à créer de l'amitié. Si tu veux, tu viens chez moi, je t'arrange le portrait, moi tu vas voir. Hein. Bah je croyais qu'on pouvait pas venir chez toi. Hein? Ah bah amène-toi, tu vas voir comment ça va te faire tout drôle tout à l'heure. Ah bah donc on peut venir. Ouais, bah amène-toi, oui. Eh bah on arrive alors. Ouais, amène-toi. Bon bah à tout de suite. À tout de suite. Quelle magnifique musique derrière. Waouh, je sais pas ce qu'il regarde à la télé, mais ça a l'air passionnant. Hein. Bon, et Arnaud, je pense qu'on t'a trouvé un ami là. Ah ouais, je crois bien, il est très cool. Et il a l'air cool, hein. Bah, tu vas le rappeler dans un instant, du coup, Arnaud, hein. On va essayer de gérer ça, hein. Puis avec Clara et Lorela et tout ça, tu vas peut-être passer une bonne soirée. Il y a moyen, oui. Tu m'étonnes qu'il y a moyen. Bon, alors, Arnaud, bouge pas. Clara, Lorela, bougez pas non plus. On va prendre dans quelques instants. Bah, Virginie, toujours là aussi, hein. Oui, je suis là, oui. Non, mais ça va, alors, ça va, c'est parce que je m'inquiétais un peu. Les filles, Clara, Lorela, vous voulez écouter un son en particulier? Vous préférez quoi, la Showtech? Voilà. J'ai ça ou alors Carolina Marquez. Ah celle-là. Ouais. Tu préfères ça? Ouais. Ou alors vous voulez qu'on mette le remix, c'est un auditeur qui l'a demandé, de Macklemore avec Ken Holdos, remixé par Major Lazer. Non, celle-là, elle était pas mal. Carolina Marquez. Ah bon, on va se le mettre maintenant, alors c'est parti. Ok, c'est cool. Bon ben je t'en prie, Clara Lorelai, bah je peux pas refuser un 90C qui me demande un titre. Hein. Et ben voilà le son de Carolina Marquez à l'instant avec Sing La La La sur Fun. Prenez le contrôle, hein, si vous voulez venir délirer avec nous, vous êtes les bienvenus. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio avec César qui dit mais putain Arnaud là, comment t'es mou là, laisse-moi ta place. Jérémy qui dit vraiment c'est vraiment un bolos sur Arnaud, mort de rire, et il sait pas s'y faire. Allez Arnaud, faut se réveiller. C'est Florian qui dit t'as deux meufs et tu restes comme une pauvre merde à rien dire. Mickaël qui dit moi je veux bien le numéro des filles, elles sont intéressantes. Arnaud la honte. Et alors Pierre qui dit aussi un coup de marteau piqueur pour Arnaud là, histoire de le décoincer un petit peu. Et effectivement, ouais, je pense qu'il y a un coup de marteau à te mettre dans la tronche, Arnaud là. Hein. Arnaud. Arnaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il est mou, mais qu'il est mou. Voilà. Je m'en fous, j'ai pris Laura Line. Voilà, vous avez déjà galéré comme ça les filles avec un mec? Non, ça va. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un d'aussi mou. Bah écoute, c'est peut-être pas. T'es timide, Arnaud. Bah, un peu trop quand même, hein. Bah ouais, c'est ça. Mais. Des amis, ils décoincent pas trop, quoi. Ouais, mais il faut y aller là, Arnaud. T'as deux meufs, elles sont cool, elles parlent. Elles sont ouvertes. Bah elles sont très ouvertes. Et 90 c'est. Non, je pense pas qu'à ça, mais quand même. Ouais. C'est pas de la gnognotte, quoi. C'est ça. Pas de la gnognotte. Eh, on ne présente pas un modèle de base là. Ouais, je vois ça. Ah ouais, non, bah tu vois mal, là. Il y a Youngblood aussi qui dit « Moi, je prends les deux filles, je les embarque sur le scooter de Post Caca. » Les filles, vous voulez faire un tour sur le scooter de Post Caca? Ouais, pourquoi pas. Bon, j'aime bien Post Caca. Vous avez votre casque? Moi aussi, je t'aime. Vous avez mis votre casque? Ouais, c'est bon, on a notre casque, on est parti, là. Alors, attends. Top monte sur le scooter. Et attention, les filles, vous êtes prêtes? On est prêtes. Let's go! Démarrage. Alors, vous avez kiffé ou pas, là? Ah ouais, trop. Eh, la folie avec les cheveux au vent. Attends, Lorela, tu veux faire un tour de paquebot ou pas? Ah oui? Allez, mets ton casque. Ok, mets un gros casque. Hein. Alors, attention, t'es prête? Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'attends ton mail, Laura. On peut pas, mais on n'avait que le portable. Ouais, non, mais c'est pas grave. Demain, après-demain. Ouais, voilà. Il y a un message aussi de Angelusion qui dit aussi coup de pelle. On peut pas faire autrement que par mail. De quoi? On peut pas faire autrement que par mail. Si, tu peux l'envoyer sur Facebook si tu veux, mais tu seras pas plus avancé, hein. À part si tu mets un pigeon voyageur, je pense pas qu'on puisse l'avoir là, pour le coup. Bon, Angelusion qui dit coup de pelle pour Arnaud là. Hop là, voilà, c'est fait. Ouais. Et alors Ramed aussi qui dit vu comment Arnaud et Mousse, sa bite doit être molle aussi. Oh, tout de suite faire des rapprochements comme ça, les raccourcis, c'est pas bien. Bon, Clara, alors là. Oui. On va quand même encore essayer de filer un coup de main à Arnaud là pour qu'il se décoince un peu. Hein. Bah ouais, le pauvre. Bah ouais, ça me paraît quand même. Gentiment pour lui. Mais oui, ouais, ça me paraît quand même être le minimum syndical. Bah bon, ouais. Arnaud, on rappelle encore une fois pour toi, ok? Allez-y. Ouais, je sais, mais on est trop bon avec toi, on est trop bon. Bon, allez, on rappelle, c'est parti. Tous vos messages avec le hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez conseiller Arnaud, là. Allez. Et à ce temps-ci, en même temps, ça va peut-être être compliqué. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle parce que je suis avec mon pote Arnaud là. Et en fait, on voilà, bon, il se fait un peu chier en ce moment et donc il cherche à rencontrer de nouvelles personnes pour se faire de nouveaux amis. Ah. Et donc vous êtes qui, vous? Moi, je suis Tof. Vous vous sentez pas bien, quoi? Si vous avez comment mon numéro? Bah par hasard. Et donc du coup, je me suis dit que peut-être je pourrais vous mettre en relation avec Arnaud et vous pourriez faire connaissance, quoi. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, donc j'expliquais à la demoiselle que j'ai eue juste avant que en fait j'étais avec mon pote Arnaud et qu'il cherche voilà, il se fait un peu chier en ce moment. Et donc, non, bah, attends, je te coupe tout de suite. Oui. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah non, pas du tout. Non, j'ai... Bah, j'essaye vraiment de trouver. Non, mais tu sais que j'ai ton numéro là à côté là. Oui, mais d'accord. Si je suis encore un peu plus que ça, moi je vais au keuf direct demain matin. Bah, d'accord, mais je vois pas le rapport. T'es d'accord avec moi? Non, mais vas-y, explique-toi maintenant. Je te dis clair comment ça se passe dès le début. Vas-y. Tu me laisses parler ou t'as encore des trucs à raconter? Vas-y. Bon, donc je suis avec mon pote. Non mais moi je suis pas rigolo. Hein. Tu vas me laisser vas-y. Finir ma phrase? Non mais t'es... vas-y. Explique-moi vite fait, mais je te jure, demain matin, je suis au flic, mais direct. D'accord, donc je suis avec mon... J'ai une bonne connaissance, espèce de gros bouffon. Toi, demain, j'y vais direct avec ton putain de numéro de téléphone qui s'affiche sur moi. Je dis vas-y. Ça m'affiche sur toi, t'es pas comme ça au téléphone, et elle reste même pas ma femme comme ça au téléphone. D'accord. Soit t'as un truc à dire, tu te dis maintenant, soit tu fermes ta gueule, mais demain matin, tu vas y avoir droit, mon bonhomme. J'essaye de le dire, mais laisse-moi parler. Vas-y. Donc, vas-y. Je peux parler? T'es qui toi? Dis-moi ton nom déjà. Je m'appelle Tof. Tof, non mais Tof, c'est pas un nom, c'est un surnom. Ah, dis-moi ton nom, Christophe. Voilà. Christophe comment? Non mais ferme ta gueule, t'es bourré, toi. Dis-moi ton vrai nom. Mais sur ma gueule ou je te dis mon nom? Donc dis-moi qui t'es et pourquoi tu m'appelles? Donc, est-ce que je vais pouvoir finir une phrase? Non mais tu finis une phrase quand moi j'ai fini la mienne. D'accord, mais... D'accord, là tu m'appelles, tu me fais chier à ce temps-là et vas-y, ouvre ta gueule maintenant. Alléluia. Donc je dis... Alléluia, non, et me dis pas alléluia, encore pire. Mais t'es un fou, toi. T'es qui, toi? Je suis Tof, je te l'ai déjà dit. Donc, Tof, j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi t'appelles ce numéro-là? Tu l'as eu où? Je t'appelle parce que je suis avec mon ami. Non, tu m'appelles pas, t'appelles ma femme, là. C'est le numéro de ma femme, ça. J'appelle ta femme. Non, mais rigole pas là-dessus. Non, mais sérieux. Donc, rigole pas. Tu me dis sérieusement, machin. Si au pire, tu coupes le téléphone. C'est une connerie. Arrête tout de suite. Bon, donc, je disais... Moi aussi, j'ai déjà bu comme toi, comme t'es défoncé, là. T'as l'air défoncé. J'arrête pas maintenant. Dis-moi la vérité et ferme-la si c'est vraiment pour faire un truc d'abruti, parce que franchement ça va pas le faire. Bon, donc bon. J'appelais ta femme. Ouais, sois sérieux. Hein. Je suis tout à fait sérieux. Donc j'appelais ta femme parce que je suis avec mon ami Arnaud. Et mon ami Arnaud cherche des gens avec non, qui... Non. Bah si. Arrête tes conneries. Non mais arrête tes conneries. Mais si, mon ami Arnaud. Moi je m'en fous, c'est toi qui m'appelles. Je m'en fous de discuter avec toi. C'est toi qui t'es en train de payer du forfait comme un con. Même si tu payes pas, j'en ai rien à foutre. Mais toi, j'ai ton numéro là. Mais je peux finir ma phrase ou pas? Je m'en fous. Non, tu finis pas ta phrase parce que là t'es en train de m'appeler pour me faire niquer du temps. Moi tu crois que j'ai du temps à passer avec un gamin de 5 ans? T'as quel âge toi? Moi j'ai 35 balais. Je crois que j'ai moyen de passer du temps avec toi au téléphone comme ça. Bah la preuve puisqu'on discute. Bah, je discute avec toi parce que je suis trop con, moi, tu vois. C'est ça le problème. J'ai discuté avec un connard qui est en train de me faire chier au téléphone de l'autre côté. D'accord, mais en fait, tu veux pas rencontrer mon pote Arnaud et... Non, mais non, mais arrêtez les gars. Franchement, si vous êtes des puceaux, mais allez en boîte. Va taper des meufs, je sais pas, ramasse 50€ et va taper une puce, j'en sais rien. Arrête de arrêter de me faire chier sur le téléphone, c'est quoi ce bordel? Non mais nous, on est... Non mais, tu l'as eu où le téléphone? T'as fait au hasard ou quoi? Ouais, grave. Et donc... ferme ta gueule et rappelle pas, Fonta. Ok, on est d'accord, Tof? Tu veux vraiment pas faire connaissance avec... On est d'accord ou pas? Tu veux vraiment... Ferme ta gueule. D'accord. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Là, tu refais un autre numéro, tu vas faire chier quelqu'un d'autre, mais pas moi, ok? D'accord, on est d'accord. Bon, bah t'as perdu ton temps, mais toi, t'es trop con. Parce que franchement, t'as pas l'air d'avoir l'âge que t'as dans ta tête. D'accord, allez. Mais arrête un petit peu, c'est un faux délire, ça. C'est un délire de gamin de 5 ans. D'accord, okay, on se souhaite une bonne soirée et on allez, se rappelle. Bonne soirée, top. Non, on se rappelle pas. Mais bonne soirée à toi et franchement, réfléchis un peu. Ok? Allez, bonne soirée. Et me rappelle pas, surtout, parce que franchement, je peux être très long. Si tu me rappelles pas, ça va aller. On reste bon enfant comme ça. On arrête là, ok? D'accord, donc on se rappelle. Non, on se rappelle pas, fais ce que tu veux, ok? D'accord, je fais ce que je veux alors. Fais ce que tu veux, mais rappelle si tu veux, mais ma parole que je te mette pas la main dessus, parce que demain, je peux te jurer que je vais voir les keufs, et que j'ai des bonnes connaissances, t'inquiète pas que ton numéro, ils vont le retrouver, hein, j'ai des bons potes dans la police, moi je suis pas policier du tout, j'ai des bons potes, j'ai des bonnes relations, je me fais pas chier avec des trucs comme ça, moi, c'est pas mon genre, ça va aller très très vite. D'accord. Tu veux me faire chier toute la nuit qui va maintenant. D'accord. Et sinon t'arrêtes maintenant et on reste mon pote et tu vas faire chier quelqu'un d'autre. Ah mais donc, okay, on peut être pote avec mon pote Arnaud. Mais moi tout le monde est mon pote du moment qui ne fait pas chier toi. Ah bah voilà, et bah c'est cool. Ah, et bah je dis à mon pote, Arnaud qui peut t'appeler alors. Non, qui m'appelle pas. Non, qui m'appelle pas. Tu m'as dit qu'on pouvait être pote. Mais moi j'ai pas que ça à faire, j'ai pas 20 ans, j'ai 35 balais, j'ai 4 gamins à la maison, ils sont en train de dormir, demain je bosse. Demain les gamins sont à l'école. On a autre chose à faire que jouer au téléphone. Tu vois ce que j'ai là? Ouais, je vois bien. Bon, on arrête là maintenant. Ouais, on arrête là, okay, et je dis à mon pote, okay, qui te rappelle. Allez, passe une bonne soirée. Ah oui, il est parti. Putain, le mec, mais il te pose une question, t'as même pas le temps de commencer à répondre qu'il t'arrête pour en poser une autre. C'est un bon, lui. Oh putain, il y a Milly aussi qui dit, allez, trop fort, trop, attends, allez, Tof, mort de rire, génial, c'est toujours Tof qui s'en prend plein la gueule. Bah oui, mais il aime bien. Joséphine qui dit, mort de rire, il peut même pas en placer une, là, c'est trop fort. Et Abby qui dit, vas-y, parle, bah laisse-le s'expliquer alors. C'est vrai qu'il l'invitait à parler aussi, mais bon. Christophe qui dit, mort de rire, enfoiré, c'est mon nom, ça. Bah, suite Tof aussi pour le coup, hein. Et alors, Victor Adrien sur le Twitter qui dit, le mec il laisse pas Tof en placer une, ferme ta gueule, dis-moi qui t'es, non, ferme ta gueule. Ah oh, mais il était ouf. Bon, Arnaud, ce que je propose c'est qu'on la rappelle-le quoi. Arnaud? Ouais. Bon, mais au taquet, hein, sois un peu plus au taquet, hein. D'accord, je compte sur toi, hein. Ça marche. Bon, vous y croyez, Clara, à l'Orlaï ou pas là? Pas trop. Bon, écoute, on va essayer, on va lui laisser le bénéfice du doute. Allez, c'est parti. On rappelle. Et puis on se mettra le son que l'auditeur avait demandé là. Allez. Salut. Yes, salut. Ouais, salut, c'est le pote de Tof. Yes, c'est comment le pote de Tof? Comment? Comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Arnaud, moi. Arnaud, bon, Arnaud, ouais. Tu veux pas raccrocher le combiné, là? Bah, pourquoi faire? On m'a dit que... Non, mais ta grand-mère va prendre des nouvelles, t'as vu? Bah, après, ta grand-mère, c'est sympa et tout, tu demandes si elle te fait des crêpes dimanche, et puis... ça va être sympa. Je voulais faire ta connaissance, vu que je suis un copain de l'autre. C'est bien, c'est tombé sur moi, ça. Tu dis, putain, un gros lot. Un mec qui va parler avec un bouffon dans ton genre. T'imagines? Tu sais quoi demain? Regarde bien TF1 à 13h, dans le journal. Tu connais très bien comment s'appelle l'autre animatrice, la bombasse. Tu lui dis ton nom, et tu vas voir demain, il va y avoir un reportage sur toi. Tu n'as rien à foutre. Tu veux pas écouter? T'as vu? Je t'avais prévenu. Maintenant, la sentence. À demain, à 13h, sur TF1. Ok, bah je regarderai demain à 13h sur TF1, pas de soucis. Au parti. Bon, bah tu vois Clara, alors là, ça s'est bien passé finalement là. Ouais, il a réussi, ça y est. Eh ouais, mais oui, il a réussi. Comme quoi tout arrive. Ouais. On a galéré quand même pour lui trouver un ami. On a un peu galéré, mais on a réussi à trouver un ami, ouais. Bon, Arnaud. Ouais. On va filer à Clara et Lorelai ton numéro. Elles en font, elles vont faire ce qu'elles vont, qu'elles ont à faire. Voilà, elles font ce qu'elles veulent avec ça. Il y a pas de problème. Lorelai, je prends le tien. Et puis. On a même plein de copines à lui présenter. Oh, mais quelle chance! Oh là là, putain, Arnaud, mec, comment te dire que t'es en train de te faire démonter par tous les mecs sur Twitter, sur le Facebook, qui sont chocs comme la braise, là. T'as deux bombasses au téléphone et tu laisses passer. Plus les copines. Ouais, et en plus, c'est les copines qui viennent s'ajouter. Hein. Oh, Lorelai, je prends ton numéro de téléphone. Lorelai et Clara? Oui. C'est. Oh, en cœur, tout, c'est mignon. Oh. C'est tout du 90C? Non, mais il y a du 95C aussi. Ah, bah c'est là, pas. Ouais, mais bon. 15. Ouais, mais 10 ou 5 ou 15, oh, pas grand chose, hein. On est dans les 90, quoi. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est surtout le bonnet qui est intéressant, hein, le tour de taille voilà. En soi. On sait qu'on en a dans la main. Ouais, quoi. Voilà, on sait qu'on en a pour notre argent, quoi. Il y a Louis qui dit aussi trop fort le gars, mort de rire, et Siegfried qui dit se rend pas compte de la chance qu'il a, Arnaud. Ah, bah non, bah là, mec, comment t'expliquer, quoi. Comment t'expliquer, Arnaud, là. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as. Ouais, ouais. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais. Bon. Eh ben écoute, Arnaud, on va te souhaiter une bonne soirée. On a tout fait pour t'aider, hein, là, quand même. Hein. Tu peux pas dire qu'on a rien foutu, hein. Ah bah ouais. Ah ouais. Bon. À part dire oui, c'est tout ce qu'il sait dire. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Bon, eh ben, merci les filles, en tout cas, hein. Lorelai et Clara, d'être passées. Je vous fais des gros bisous. Une petite dédicace. Eh ben écoute, vas-y, je peux pas refuser un 90C. Alors, je viens faire une petite dédicace à mon copain, Max Monsieur Vert, qui disait... Et faire une dédicace à Dylan qui est DJ aussi et on leur fait des gros bisous. Ah parce que Toff il est presque DJ lui. Moi, hein. Je suis presque DJ donc si tu me laisses un petit peu. Mais là il est même plus animateur. Il est presque voilà, non je disais. On n'est pas célibataire, mais on a plein de copines pour Arnaud quoi. Eh ben j'aurais préféré que t'aies des copines pour moi, mais. Ouais. Ah, attends parce qu'il y a Théo et Rémi là qui sont là 21 ans tous les deux. Salut Théo, Rémi. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Bah ouais, tranquille, hein, vous étiez intéressé par les filles là? Ouais, on aimerait parler un peu avec eux. Alors attends, parce que comme ça, Arnaud va écouter. Alors comment vous faites les filles, Théo, Rémi, Clara, Lorelai, Théo et Rémi, là, montrez à Arnaud comment il faut faire. Bonsoir les filles. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Ça va. Ouais. Alors, ça essaye de brancher quelqu'un ou quoi? Non, vous voulez juste être amis avec lui. Ouais, voilà. Les copines, ouais, ben, on est prises. Vous pas bien quand même, hein, c'est pas bien. Bah quoi? Il cherche ouais, des amis à l'origine. Il était en panique, pêcheur. Bah oui, un petit peu trop, on l'a troublé. Ah ouais, troublé, c'est faible. Ça, c'est sûr. Et vous venez d'où, les filles? Bordeaux. De Bordeaux. De Bordeaux? Ah ouais, non, c'est trop loin, ça, quand même. Ah, vous êtes d'où? Non, mais d'à côté de Marseille, nous, Aix-en-Provence. Ah oui. Ah, c'est dommage, ça fait loin, là, hein. Ah oui, ouais, j'avais dedans, ou pas? Ah bah, ouais, comment t'expliquer que c'est d'un côté et de l'autre, quoi? Ouais, c'est ça. Hein, c'est l'Atlantique contre la Méditerranée. Après pour un 90C... On peut se déplacer, ouais. On peut se déplacer, ouais. Tu m'étonnes, évidemment, que tu peux te déplacer, c'est clair. Mais après, ce que j'ai compris, apparemment, Clara et Lorelai, vous êtes prises, là? Oui. Ah, dommage. Oh. Ah, ouais. Mais on a plein de copines célibataires. Ah. Nous, on n'est pas jaloux. Très bien, mais même les mignons sont intéressés, vous avez vu. Hein. Pourtant, ils sont pas très très beaux, mais bon, quand même. Bon, bah Théo et Rémi, là, malheureusement, vous allez repartir avec la queue entre les jambes. Hein. Ouais, je pense. Ah, soir, merde. On va dormir sur la béquille ce soir. Hein. Exactement, ouais. Bon, bah merci de passer, en tout cas, les mecs. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Ouais, merci, à rien, ça va, y a pas de problème. Hein. Bon, bah salut. Quoi. Et on embrasse tout le monde à Marseille, Salon de Provence, tout ça, là. Merci. Ouais, merci. Merci. Dédicace à la part d'Olivier. Ah non, Théo et Rémi, apparemment, pour Kelly au standard, vous appelez de Salon de Provence. Salon de Provence. Il est fatigué. Ouais, il est fatigué, ouais. Bon, allez, salut à vous. À bientôt. Ciao, bye bye. Gros bisous, les filles, également. Vous revenez quand vous voulez. Je vous embrasse, bye bye. Bye. Salut. Bon, et puis on va se mettre avant de faire le top tweetos là dans quelques instants. On se met le son que l'auditeur, je sais plus comment il s'appelait là, Youngblood, je crois que c'est lui qui avait demandé ça. Le son donc de. Comment ça s'appelait encore? C'était Macklemore. Ouais, Major Lazer qui a remixé Macklemore avec Ian Holden, c'est ça? C'est ça. Allez, bah fais péter le son alors. Hein. On y va, et puis on revient juste après, dernière ligne droite de l'émission. Prenez le contrôle, on est là jusqu'à 2h sur Fun. Et là, c'est un morceau exclu là qu'on vous passe. Hein. Attention, dites-nous d'ailleurs si vous le kiffez ou pas là. On le met maintenant grâce à Youngblood qui l'avait choisi sur le hashtag et Mickaël. Eh ben voilà le son qui avait été demandé par Youngblood là sur le Twitter. C'est un remix donc de Major Lazer avec Macklemore et avec donc Can Hold Us, c'était le titre. Et puis un message qui dit un son qui fait boum boum et chick chack, c'est Siegfried. Ah bah effectivement, ouais. Alors ici c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de chick chack. Exactement aussi. Ouais, il y a encore un petit message. Bah Siegfried qui dit aussi Macklemore et une tuerie. Héloïse qui dit je regarderai aussi le 13h pour voir s'il y a un reportage pour Arnaud. Youngblood qui dit s'il n'y a rien au journal de 13h, là vous êtes obligé de le rappeler demain soir. Demain soir on n'est pas là, mais dimanche avec plaisir. Et alors Ange Illusion qui dit je veux être. Oui, tu m'étonnes, là, il était avec les deux filles, les deux bombasses là, comment t'expliquer qu'il avait une chatte d'enfer lui. Benoît qui dit comment il claque le son, et Lucille qui dit je kiffe le son, merci. Eh bah avec plaisir, hein. Comme quoi vous voyez, si vous faites des découvertes, eh bien on peut évidemment les passer. Et puis bah, comme quoi il n'y a pas que nous qui vous font découvrir, qui vous ont découvert des sons. Vous aussi. Franck qui dit je veux bien leur numéro, moi Arnaud un peu de. Attends c'est quoi je veux bien leur numéro, moi Arnaud qui est un petit peu mou du gland. Et Marie qui dit j'adore le son, quelle folie cette émission, c'est Clara, merci Clara. Et Patricia, coucou, possible de passer un coup de fil à ma mère pour son anniversaire, elle a 64 ans ce soir. Ah bon, on va pas avoir de temps Patricia là ce soir, mais en tout cas bon anniversaire à ta mère évidemment. Et Clément qui dit ces filles ont l'air géniales. Oui, elles avaient l'air effectivement très charmantes. Ah oui. Tout à fait. Bon Virginie. Oui, c'est moi. Bon, on va te laisser Virginie, hein. On appellera Ludo lundi, hein. Oh. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Bah oui. Amandine et moi, on voudrait vous laisser un message. Ah, Amandine aussi, hein. Bon bah allez-y. Bah quel message. Bah quel message, tu vois, tu choses encore encore une fois de. Ce que tu vas dire. Parce qu'Amandine, elle voulait stopper ça, la connerie là, qu'on est en train de faire, parce que ça fait 3 jours non-stop. On se bouffe la gueule et voilà quoi. D'accord, très bien. Très clair, j'ai tout compris. Bon, à la semaine prochaine les filles, là. Gros bisous hein, dans le Nord. Hein. Gros bisous. Ah ouais, mais ils n'ont pas l'habitude, le soleil qui a tapé là pendant 3 jours. Du coup, ça va. Le cerveau a fondu. Du coup, ça va moins bien là pour Virginie. Bon, top tweetos, alors on fait les résultats là maintenant. Là. Top tweetos, attention. Allons-y. Alors je rappelle que donc le principe est simple, hein, entre 23h et 2h du mat, même toute la journée, mais on donne le résultat à 2h du mat. Et bien on fait le top tweetos, celui qui a évidemment, ou celle qui a été la plus influente sur Twitter, sur le hashtag Mickaël, en numéro 5. Alors ça a encore changé, c'est Florian CR8. Florian CR8 qui est numéro 5 des top tweetos, pas mal, pas mal. Numéro 4. Lolo Ricou qui a une belle remontée aujourd'hui. Très bien, Lolo Ricou, bravo à toi. Numéro 4, peut mieux faire quand même. Numéro 3. Florian CR 46. Ah ouais, c'est tous des CR alors. Oui, c'est des CR. Très bien, CR 46. Ok, bravo Flo numéro 3, number 2. Alors, Phob Dastical qui était là tout à l'heure. Ah ouais, pas qui mal. Qui n'a pas bougé. Putain, mais c'est que des neufs, hein. Ouais. Que des nouveaux. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est que des neufs, ah ouais. On les a changés. C'est que des nouveaux, quoi. Et puis numéro 1, Let's Be Freaks. Évidemment. Eh ouais, troisième. Troisième victoire d'affilée là depuis qu'on a commencé le jeu. Et Let's Be Freaks qui a combien de tweets par rapport au deuxième? Non là ça va, ça s'est un peu réduit à l'accent tweet d'écart avec le deuxième. Ah quand même? Ouais. Oh ça va, ça va, ça va. Bon bah très bien. Écoute, bah sur les choses qui arrivent, hein, bravo encore Let's Be Freaks, une fois de plus. Bravo. Bravo. Voilà, bravo. Tout ce que j'ai à dire. Message aussi qui dit Florian, il y a Florian qui dit je veux faire un tour de scooter avec Pose Caca. Bon bah d'accord, ok, bah vite fait avant de partir alors hein, Pose Caca, attention, il s'installe sur le scooter. Voilà, on va démarrer démarrer le scooter là, attention. Et voilà, et grande nouvelle, j'ai mis la photo de Pose Caca alias Toff avec sa petite mobilette. C'est Rémi qui nous a fait une photo, on l'a mise sur le Facebook. Vous pouvez aller voir maintenant et sur le Twitter également. Facebook.com Facebook.com/Mickaël officiel, ça marche aussi sur le. De dos. Ça marche aussi sur le Twitter, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Pose Caca est un peu rouge ce soir. Oui, il est un peu rouge là par rapport à la photo. Mais allez voir, merci Rémi en tout cas là pour la photo. C'est gentil à toi. Bon, on l'avait raté. Donc voilà. Allez voir la facebook.com/Mickaël officiel. Partagez, likez et puis insultez-le aussi. Hein. Vous laissez les commentaires, il ira ça tout au long du week-end. Il n'y a aucun problème. Bon, on va se faire le générique avant de partir. Allons-y. Prêt ouais. Allez, 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'as fait sucer toi l'enculé. T'es un enculé, t'as fait ton oncle, y'a vraiment personne qui a un cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car plus ton oncle toute la journée. qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? C'est pour ce caca? Quel cochon! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Voilà, passez une bonne nuit tout le monde. Rencard demain à partir de... Rencard dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. Voilà, tout est dit. Je pense qu'on a fait le tour de... Ah non, il y a merde, il y a Yanis. Yanis ? Oui ? Bon, on te rappelle dimanche, hein, Yanis, hein. Ah ouais, ça fait une heure que je parle. Ah ouais, mec, je suis désolé. On est des potes, on n'est pas des potes. Ouais, on va te filer un pack fun déjà pour la patience. Et on te rappelle lundi. Et on dimanche, pardon. On rappellera pour parler de quoi dimanche, Yanis? Mon grand sexe. Ton grand sexe? D'accord, ok. Bah écoute, on écoute, en parlera. Je sais de quoi tu parles, je le vis tous arrête les jours. Arrête ton cinéma. C'est n'importe quoi. On est des potes, on n'est pas des potes. Bah, on est des potes. Eh ben, on se retrouve dimanche. Eh ben, dimanche avec plaisir. Bon, Yanis, bon week-end et puis à dimanche soir, on te rappelle, d'accord? Désolé encore pour ce soir. Salut, salut, bon week-end. Ciao. Bon week-end. Allez, bye. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Ouais, et on va se quitter, j'avais oublié, hein. Oula, on va se quitter avant que, avec le son de Showtech là, j'avais promis tout à l'heure avec Bouya. On se le met maintenant du coup le Showtech avec Bouya, ça chauffe tout le monde. On y va. Ouais, allez, c'est parti, on se le fait mettre maintenant, on se retrouve demain à partir. Oh merde, qu'est-ce que j'ai? Dimanche, voilà, ce sera juste après l'Eurodance avec Miko. Eurodance 25, 18h, 20h le dimanche soir, et puis nous on enchaîne évidemment juste derrière à partir de 20h. Excellent week-end et sortez couverts. Ciao tout le monde.